Pour cette nuit, quelques nuages qui vont arriver, ce seront des cirrus sur l'ouest du pays, 11 à 15 degrés. Et puis demain, encore une belle journée, davantage de nuages sur l'ouest du pays, mais des températures qui repartent à la hausse, 23 à 28 degrés. Viva, avant, c'est vous qui le dites, il est 9h. Le journal, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La France qui a sans doute déjoué un nouvel attentat. Oui, trois femmes ont été arrêtées hier en début de soirée. Elles ont un lien direct avec cette voiture retrouvée dimanche dernier dans le centre de Paris, véhicule rempli de bonbonnes de gaz. Trois personnes soupçonnées de vouloir passer à l'acte. Interpellées à Buissy-Saint-Antoine, un petit village au sud de Paris, le maire n'en revient toujours pas. Comme les 36 000 maires de France, je crois, moi j'ai conscience du risque qui pèse sur nous. J'ai pris des mesures avec l'équipe municipale pour sécuriser les lieux publics, notamment les écoles, qui est une préoccupation quotidienne. Mais le terrorisme, c'est toujours ce qui frappe ailleurs, ce qui frappe loin. On s'attend à tout, sauf à ce que dans une petite commune comme la nôtre, eh bien, il puisse y avoir un lien avec une entreprise terroriste. Romain Colas, le maire de Buissy-Saint-Antoine, au micro de Radio France. Alors, Lionel de Neubourg, ce matin, que sait-on du profil de ces trois femmes arrêtées ? Elles ont 39, 23 et 19 ans, des personnes radicalisées, fanatisées, ce sont les mots du ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est très clair. Elles préparaient de nouvelles actions violentes et imminente, la principale suspecte, c'est la plus jeune, 19 ans, c'est la fille du propriétaire de cette voiture retrouvée à Paris, à deux pas de Notre-Dame de Paris, une Peugeot pleine de bonbonnes de gaz. Le père, lui, est mis hors de cause, mais sa fille était connue des services de la Sûreté de l'État et d'après une source proche de l'enquête ce matin, citée par l'agence France Presse, la plus jeune avait prêté allégeance au groupe terroriste État islamique. Merci Lionel. Libérer les 33 touristes bloqués de depuis hier soir, à plus de 3000 mètres d'altitude, dans des télécabines du Mont Blanc, ces personnes vont pouvoir regagner le plancher des vaches. Le téléphérique a pu être remis en marche ce matin. Les derniers passagers ne devront donc pas être élitreuillés. Dans l'actualité, l'inquiétude des 220 travailleurs de Carroual à Sombrève, c'est un des sous-traitants de Caterpillar. Oui, un conseil d'entreprise extraordinaire vient de commencer. Le personnel espère obtenir des réponses quant à son avenir. Carroual fournit des cabines pour les engins de chantier. Elle travaille à 90% pour Caterpillar. Sébastien Remacle, vous êtes à Viva Namur. C'est clair, l'impact de la fermeture de Caterpillar sur l'activité de Carroual risque d'être considérable. Oui, le personnel en est bien conscient. Hein, c'est l'avenir même de l'entreprise qui est en jeu. Parmi les scénarios envisagés et redoutés, forcément, une fermeture pure et simple de l'entreprise d'ici quelques mois, si Carroual ne trouve pas d'autres clients. Les 220 ouvriers et employés espèrent que la direction et le groupe allemand Fritz Meyer, auquel l'entreprise appartient, ils espèrent que cette direction viendra leur présenter des solutions, de nouveaux marchés pour compenser ce que Carroual ne produira plus pour Caterpillar. Oui, dans le meilleur des cas, on pourrait donc imaginer que l'entreprise ne soit finalement pas impactée. Effectivement, mais les syndicats n'y croit pas trop, car amener de nouveaux clients chez Carroual pourrait déforcer les autres sites du groupe. Un scénario intermédiaire semble donc plus probable, le maintien de l'entreprise avec moins ou beaucoup moins de personnel. Si Carroual, par exemple, continue à fournir Caterpillar pour les productions qui seront délocalisées à Grenoble, cela permettrait de limiter la casse à ce sujet. Des contacts ont déjà eu lieu ces derniers jours entre l'actionnaire principal de Carroual et Caterpillar. Les syndicats espèrent bien être tenus informés du résultat de cette tractation. Ce serait donc ce matin lors du conseil d'entreprise. Merci Sébastien, un dossier préparé avec Hugues Van Pelle. La situation des sous-traitants de Caterpillar préoccupe également Jean-Claude Marcourt. Le ministre wallon de l'économie l'est rencontré ce matin. Ensuite, dans une heure, il a rendez-vous avec les banques. De son côté, Paul Magnette reçoit en ce moment les patrons Carolo qui sont prêts à engager des travailleurs de Caterpillar. Après Tihange 1, mercredi soir, c'est le réacteur nucléaire de Tihange 2 qui est également à l'arrêt ce matin. Il s'agit d'un problème technique qui n'a pas encore été identifié, mais il n'y a pas de risque pour la population, dit Electrabel, pas de risque non plus de pénurie d'électricité vu le soleil prévu pour aujourd'hui. Et maintenant, ce village du sud de l'Italie qui intrigue Nathalie, les chercheurs. Oui, l'espérance de vie de ses habitants est encore plus longue que ceux d'Okinawa au Japon, lieu connu jusqu'ici comme l'empire de la longévité. Mais dans le sang des centenaires italiens, les scientifiques ont trouvé les premiers éléments de réponse à cette longévité extraordinaire. Valérie Dupont s'est rendue dans ce village à la rencontre de ces centenaires pour découvrir leurs secrets. Dans le village d'Acciaroli, il n'y a pas de maison de repos. Ici, les centenaires vivent tous chez eux, seuls ou en famille. Pas de pathologie cardiovasculaire et aucun cas d'Alzheimer. 80 centenaires pour 650 habitants. Il faut beaucoup travailler et manger mal. Alors qu'il approche du siècle de vie, Giuseppe applique donc sa théorie. Il travaille chaque jour dans son potager et ne mange que ses propres légumes. Il est aussi convaincu que la sexualité et les sentiments l'ont maintenu en vie. Ma femme est morte, j'ai pensé que j'allais aussi mourir. Et puis j'ai trouvé une maîtresse et ça a peut-être aidé. Giuseppe, Amina, Antonio, Maria, quatre des centenaires qui ont participé à la recherche pilote menée par des scientifiques italiens et américains. Michele Guariglia est doctorant en médecine interne. On a trouvé dans leur sang un pourcentage très faible d'une hormone qui leur permet d'avoir une microcirculation sanguine plus développée que la moyenne. La microcirculation ou encore une protéine inconnue découverte dans le sang de ces phénomènes pourrait donc être les clés de la vie éternelle. L'étude devrait maintenant s'étendre à toute la région du Cilento, le plus grand laboratoire sur l'espérance de vie jamais constitué. Un reportage signé Valérie Dupont. Et puis en sport, Nathalie, l'événement du jour, bien sûr, c'est la 40e édition du Mémorial Van Damme. Oui, pas de Usain Bolt ni de Justin Gatlin cette année, mais bien 40 médailles olympiques avec de grands moments en perspective, de grands moments sportifs, mais pas seulement, David Bertrand. Oui, année olympique oblige, le programme a en effet été adapté pour que l'ensemble de la délégation belge présente à Rio début août reçoive l'accueil du public. Les membres du team Belgium, médaillés en tête, défileront donc pour un tour d'honneur qu'ils n'oublieront probablement pas de sitôt. Viendra ensuite le moment que quatre filles attendent depuis 8 ans, quatre athlètes, les quatre filles du relais 4x100, Olivia Borlée, Kim Gevaert, Elodie Wedraogo et Anna Marienne, qui vont enfin recevoir leur médaille d'or de Pékin. Conséquence, on le sait, du déclassement de la Russie. Mais il y aura du sport aussi, du vrai sport, avec un programme très riche pour cette 40e édition du Mémorial Van Damme. 40 médaillés olympiques. Côté sprint, pas d'Usain Bolt ni de Justin Gatlin à Bruxelles cette année. Tous les regards seront donc tournés vers les femmes avec une confrontation explosive sur 100 mètres avec d'un côté la championne olympique Hélène Thompson et de l'autre la néerlandaise Daphne Schippers. Côté belge, au-delà du 400, c'est inévitablement vers Nafi Thiam qui disputera le concours de la hauteur que tous les regards seront tournés. Et le Mémorial Van Damme, c'est à suivre sur tous les médias de la RTBF à partir de 19h en radio, 19h15 sur la 2 télé. En football, le club de Bruges se déplace à Waasland-Beveren en ouverture de la 6e journée de Pro League. Coup d'envoi à 20h30. Enfin, lancement réussi pour la NASA. Elle a envoyé cette nuit sa sonde Osiris vers un astéroïde. Objectif, prélever des échantillons et les ramener sur Terre. Ces informations pourraient permettre de comprendre la formation du système solaire. Alors on voit comment ça roule ce matin avec Stéphane Piedbeuf et déjà 4 accidents sur les routes actuellement. Effectivement, en parlant du premier, sur le 40, Bruxelles-Aix-la-Chapelle, à hauteur de Poussée, le passage est difficile. Il y a 2 km de file et une demi-heure supplémentaire pour rejoindre la cité ardente, donc depuis cette 40 qui part de Bruxelles. Alors, c'est la fin d'un accident qui impliquait plusieurs véhicules sur le 19 Valenciennes-Mons, à hauteur de Carnion. La chaussée est dégagée, mais il y a toujours 6 km de file et un retard d'1h30 en direction de Mons. Par ailleurs, un chantier mobile est en cours sur ce tronçon à hauteur de Saint-Guilain. La bande d'arrêt d'urgence est donc occupée avec des hommes qui travaillent. Soyez donc bien prudents si vous partez par là. Et puis sur le 313, il y a 2 accidents. Le 313 Anvers-Liège, à hauteur de Lumaine. Le premier, la chaussée est dégagée, mais il y a encore 11 km de file en direction de la cité ardente. Et puis un accident sur cette 313 Anvers-Liège à Herentals-Ouest. Le passage s'effectue uniquement via la bande d'arrêt d'urgence. Il y a des files en direction de Liège. Et pour rejoindre Bruxelles, vous perdez encore 10 minutes sur le 411 en venant de Namur à partir d'Overijse. Même temps ajouté sur le 40 en venant de Liège, où vous ralentissez à partir d'Everberg. Bonne nouvelle, si vous empruntez le ring de la capitale, vous allez perdre 20 minutes en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, mais ailleurs sur le ring, les automobilistes perdent moins de 10 minutes actuellement. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il n'était pas là pour le 8-9, mais il est bien là pour, c'est vous qui le dites, Benjamin Maréchal, là, tout de suite. Ah ouais, non, le vendredi, place à Sarah, et puis nous voici donc pour commenter cette fin de semaine. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, personne ne comprend la stratégie de Salah Abdeslam. Hier, il n'a toujours pas parlé au juge français. Mais pourquoi il se tait ? Hier, Salah Abdeslam, le seul survivant donc des attentats du 13 novembre, était à nouveau devant les juges français. Souvenez-vous, en quittant la Belgique, il avait fait savoir qu'il parlerait. C'était même une des conditions pour que ses avocats prennent sa défense. Eh bien hier, malgré une heure et demie d'audition, il a à nouveau fait usage de son droit au silence. C'est un droit, oui, mais personne ne le comprend. S'agit-il d'une menace qu'il aurait reçue sur lui, sur sa famille? Une promesse de silence à Daesh, de la provoque? Peu importe, en se taisant, il risque de passer pour le responsable, alors qu'il pourrait se profiler simplement en petite main de ces attentats. Même son avocat Franck Berton commencera à se demander s'il doit ou pas poursuivre la défense. Un peu démuni, voilà ce qu'il disait hier. Le silence est un droit, mais celui de Salah Abdeslam devient pesant. Combien de temps Franck Berton et Sven Marie défendront-ils encore un Salah Abdeslam muet? La question semble posée. Tout ce qu'on peut, c'est le conseiller en lui disant non, il serait plus intéressant la défense de son dossier, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse dire ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Extrait du JT hier. Alors c'est la question pour vous ce matin. Personne ne comprend la stratégie de Salah Abdeslam. Hier, il n'a toujours pas parlé au juge français, mais pourquoi il se tait ? Le VDAB, le Forum flamand, n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Eh bien, est-ce qu'il a raison ? On les engagera quand même pas. En Flandre, un homme de 56 ans qui s'appelle Bruno Vormeulen tire la sonnette d'alarme. Depuis qu'il s'est inscrit au VDAB il y a deux semaines, il n'a reçu aucune offre de job. Et renseignement pris, on lui a bien confirmé qu'il ne recevait pas d'offres automatiques par mail et par SMS, tout simplement parce qu'il a plus de 56 ans. C'est de la pure discrimination, c'est hallucinant, dit-il dans le Laatste Nieuws de ce matin. Mais ce n'est pas un oubli, c'est simplement le fruit d'un accord social qui a été conclu avec les syndicats en 2008. Alors qu'on envoie des offres d'emploi qui matchent à 80% avec le profil du chômeur, eh bien les syndicats à l'époque avaient voulu que pour les seniors, l'offre soit plus qualitative encore. Les syndicats voulaient que ça matche à 100%. Bruno Vormeulen n'a donc rien reçu. Étonnant, alors que le gouvernement voudrait nous faire travailler un petit peu plus longtemps. La question donc pour vous ce matin, le VDAB, c'est le Forum flamand, n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Est-ce qu'il a raison? On les engagera quand même pas. Et puis au 070-233-466, la police conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Ce conseil est-il utile? Est-ce qu'un chien, ça empêche les vols? Comme chaque année, le SPF intérieur et la police lanceront une grande campagne de prévention cambriolage le 28 octobre prochain. L'opération s'appelle un jour sans cambriolage. Eh bien, on apprend que cette année, l'accent sera mis sur les personnes âgées, sur leur vulnérabilité. Parmi les mesures, on demandera aux infirmières à domicile notamment de bien fermer les portes lors de leur visite, mais les seniors aussi sont amenés à agir et la police conseille donc à nos retraités d'adopter un chien. Il paraît que le chien, l'animal de compagnie, freine les cambrioleurs. Notez au passage que l'an dernier, la Belgique a connu 66 374 cambriolages. Alors la question pour vous ce matin, la police conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Ce conseil est-il utile? Est-ce qu'un chien, ça empêche les vols? Marion Jomotte, standard ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070 233 466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats, non, c'est vous qui le dites, le silence de Salah Abdeslam, les plus de 55 ans qui ne reçoivent pas d'offre d'emploi et les chiens pour protéger les personnes âgées des cambriolages. Le débat va commencer. Martial Dumont, journaliste politique à l'Avenir, et Mathieu Ladevèze, rédacteur en chef adjoint de La Dernière Heure, viennent d'arriver en studio. Benjamin, c'est à vous. Martial et Mathieu, bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Premier débat sur la table, donc personne ne comprend la stratégie de Salah Abdeslam. Il ne parle pas, il avait dit « je parlerai ». Eh bien hier encore, pendant une heure et demie, il n'a rien dit. Vous avez entendu les avocats, notamment Franck Berton, déboussolés. Avant de parler de la stratégie de Salah Abdeslam, est-ce que ce silence, Mathieu, vous agace, vous énerve? Est-ce que vous voulez qu'il parle? Il ne m'étonne pas déjà. Ce qui m'agace, oui, on aimerait en savoir plus sur ce qui s'est passé, évidemment. Par contre, s'il se met à parler, est-ce qu'il va dire la vérité? Parce que je pense qu'on ne peut accorder aucun crédit à ce qu'il dirait, ce qu'il dira ou ce qu'il va dire. Donc, c'est quoi la stratégie alors? Vous comprenez, Martial, la stratégie? Pourquoi il se tait? Qu'est-ce qu'il a à gagner dans ce silence? Il n'a pas grand-chose à gagner, si ce n'est à penser que effectivement il y a peut-être, bon alors je suis pas adepte du tout de la théorie du complot, mais qu'il y a des pressions derrière qui font qu'il n'ose pas parler parce que effectivement il y a peut-être des menaces sur lui ou sur sa famille. C'est crédible. On peut imaginer quand on connaît la manière de fonctionner de l'État islamique, c'est quand même un État fasciste avec des méthodes de fascistes. Et donc on peut très bien imaginer qu'il reçoit des indications, même en prison, qui dit voilà, si tu dis la moindre chose, ta famille elle risque d'en subir les conséquences. Donc peut-être que c'est ça. Autrement, je ne vois pas pourquoi il se tait. Effectivement, comme disent ses avocats, il a plus intérêt à parler qu'à se taire. Alors imaginons que ce soit ça, Mathieu, des menaces sur lui ou sur sa famille. Ce sont des menaces qui ont été faites avant, où il continuera à recevoir des messages de Daesh en prison, alors que je rappelle qu'il est à l'isolement, surveillé par caméra 24 heures sur 24. Donc c'est une pression de Daesh qui a été faite avant, où il aurait encore maintenant la pression de Daesh. Est-ce qu'on peut lui passer des messages dans cette cellule ? Je pense que les messages passent toujours. Je pense qu'il se passe quelque chose dans une prison parisienne dans une aile radicalisée. Quelques heures plus tard, à Molenbeek, il y en a qui sont au courant. J'ai l'impression que l'information passe très très très très vite. Même s'il est en isolement. Même s'il est en isolement. De toute façon, s'il parle, il parle. Après, je pense qu'il a le droit peut-être de lire ou de faire des choses comme ça. Il y a la télévision, donc il y a aussi peut-être des messages qui passent par là. On a compris au fil des reportages quel était son profil, sa carrure à ce jeune Salah Abdeslam. Est-ce qu'il est possible qu'il ait promis le silence? Ça fait partie de l'opération, il a promis le silence. Est-ce que vous le sentez capable de tenir cette promesse, le silence? Je vois pas. Il y a plusieurs raisons. Il est sûrement menacé. Après, c'est la preuve que c'est un vrai terroriste. C'est pas une petite main, je pense. Ah, sinon, il parlerait. Mais il a surtout plus rien à perdre, en fait. C'est ça mon problème. Enfin, c'est ça, je pense que. À quoi ça va lui servir de parler? C'est un moyen de pression, justement, pour obtenir peut-être des choses supplémentaires s'il ne peut être surveillé, ou alors plus d'heures de sortie, j'en sais rien. Mais à quoi ça va lui servir de parler, vu que de toute façon, c'est lui, c'est sur lui que toute l'attention se porte, c'est lui le vrai méchant, c'est le dernier survivant de la pire tragédie que la France ait connue depuis très longtemps. Donc forcément, tout va lui retomber dessus, donc ça lui sert à rien de parler pour l'instant. Pourtant. Mathieu et Emmanuel, on ne peut que le conseiller, dit Franck Berton. Il serait plus intéressant qu'il puisse parler. Les avocats sont dans le dos et le poussent. Et ça ne marche pas, Martial. Bah non, je suis assez d'accord avec Mathieu. Je pense qu'il sait très bien que de toute façon, judiciairement, il est probablement cuit. Et que qu'il parle ou qu'il ne parle pas, ce n'est pas ça qui va changer sa situation. Et donc l'avocat n'a pas d'influence. Franck Berton est derrière. Il lui dit parlez, monsieur. Ça n'a pas d'influence. Je ne pense pas. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il se dise, tiens, effectivement, je peux peut-être avoir, entre guillemets, une remise de peine ou certains avantages en prison ou quoi. Mais je pense qu'il est bien conscient que dans sa situation, c'est presque désespéré. Et bon, s'il est radicalisé jusqu'au bout, il se dira, tant qu'à faire, je suis en prison, je vais continuer à leur causer des soucis, y compris en prison, donc je me tais parce que de toute façon je n'y gagnerai rien à parler. On demande un avis à Liège. Michel est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Personne ne comprend la stratégie de Salah Abdeslam. Hier, il n'a toujours pas parlé au juge français. Pourquoi il se tait, Michel? Pourquoi il se tait? Parce qu'il n'a pas intérêt à parler. Mais je suis désolé, il se tait, mais qu'on me le donne pendant une demi-heure et croyez-moi, il va parler. Mais attendez, vous comprenez bien alors la difficulté des juges, parce que la torture n'existe plus. On peut le déplorer, mais ça n'existe plus. Donc les juges, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen de pression ? Je suis d'accord avec vous, la torture n'existe plus pour les êtres humains, mais pas pour les animaux. Et ce silence, c'est pas digne d'un être humain, c'est ça que ça veut dire ? Non, pas du tout. Ce n'est pas digne d'un... D'ailleurs, ce n'est pas un être humain. Quand on tue des gens, comme ils font dans la rue, des enfants, des vieilles personnes, des gens qui n'ont rien fait, si un jour ils tuaient le fils d'un ministre ou la femme d'un ministre, peut-être que ça changerait. Michel, en attendant, un mot de stratégie. Il aurait quand même intérêt à parler, parce qu'au lieu de se prendre une grosse perpétuité, il pourrait peut-être gagner quelques années et un jour revoir le ciel et la liberté. En termes de stratégie, c'est étrange ce silence. C'est étrange, je ne crois pas du tout que c'est étrange. Je crois qu'il a des ordres de plus haut à ne pas parler. De qui? De Daesh? Oui. Mais il est à l'isolement, comment il aurait des ordres de Daesh? Parce qu'il les a eus avant d'être à l'isolement. Et il tient la promesse faite. Enfin, je ne sais pas si c'est une promesse, mais il tient le silence. Il tiendra jusqu'au bout, vous croyez? Non, je crois. crois qu'il ne tiendra pas jusqu'au bout. Si quelqu'un veut se décide à le faire parler, on pourrait le faire parler. Je veux bien que la torture est interdite, mais pas pour ces gens-là. Ah oui, on fera avec le cadre qui est le nôtre, hein, torture interdite. Donc on va faire dans ce cadre-là. C'est comme ça que ça fonctionne en Belgique comme en France. Michel, vous êtes à Liège. On verra si la conversation s'impose tout à l'heure. Dernier tour de table. Mathieu, vous pensez qu'il tiendra le silence ou il va craquer un moment? Je ne pense pas qu'il va craquer. Non. Non, je pense que il y a aussi les avocats sont aussi un moyen, parce qu'ils voient ces avocats régulièrement, donc eux peuvent faire passer des messages, reçoivent peut-être des messages de l'État islamique, on n'en sait rien. À votre avis, Martial, ce silence, c'est une stratégie des avocats ou les avocats sont vraiment impuissants et ils assistent à leur client qui fait comme il veut? Je crois que quand on entend les avocats, ils sont particulièrement irrités et je ne serais pas étonné que si ça continue, effectivement, ils jettent l'éponge, parce qu'il y a un moment donné, quand on est un avocat, on essaye quand même de conseiller au mieux ses clients et là visiblement ou alors c'est vraiment d'un cynisme sans nom. On sait que les avocats peuvent l'être, mais je pense qu'ici ils sont déstabilisés devant la stratégie de mutisme de Salah Abdeslam. Ouais, Mathieu, même sentiment, c'est une stratégie des avocats ou ils sont impuissants? Non, je pense qu'ils savent pas, ils peuvent pas faire grand chose face à un type qui veut pas parler. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher contrairement à ce que dit Martial, leur client, parce que c'est quand même un des clients les plus bankable, si on peut parler comme ça, en ce moment. Donc ils ne vont pas le lâcher. Peut-être qu'un jour, ils vont réussir à le faire parler, ça sera une belle victoire. Je pense qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. En attendant, personne ne comprend la stratégie de Salah Abdeslam. Hier, il n'a toujours pas parlé au juge français. Pourquoi il se tait, ce sera à vous de le dire dans quelques instants. Juste après la pause, deuxième débat sur la table. Le Forum flamand n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Est-ce qu'il a raison? Ensuite, la police qui conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages, c'est utile? Et puis 10h45, la question qui dérange. Caterpillar Belgium a-t-il été couillonné? Il n'est pas propriétaire de ce qu'il fabrique, il n'a pas le brevet de ses machines, il est juste prestataire d'une filiale basée en Suisse. Ça ne vaut pas mieux qu'un atelier textile du Bangladesh. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. BMW, aujourd'hui, c'est 100 ans de plaisir de conduire et d'innovation. Un anniversaire que nous fêtons en vous offrant les BMW Innovation Deals. Profitez par exemple de 11 675 euros d'avantage sur la BMW Série 5. Une offre exclusive grâce à laquelle votre BMW est encore plus exclusive. Les BMW Innovation Deals, c'est jusqu'au 15 octobre chez votre concessionnaire BMW. Infos et conditions sur bmw.be. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah bah oui, ce sont les journées colossales chez Colishop, avec des réductions gigantesques sur le linge de lit, les jouets et une foule d'autres articles. Jusqu'au 11 septembre sur colishop.be. Au poire rouge, au poire rouge, ton goût juteux te glisse dans la bouche, complètement belge, sweet sensation, séduisez-nous au poire rouge. Les poires Sweet Sensation, juteuses et belges, maintenant dans tous les magasins prêtes à vous séduire. Au poire rouge, au poire rouge, Sweet Sensation. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez! Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. En fonction de vos appels, un débat s'impose dans la deuxième partie. Oui. Deuxième débat sur la table avec Mathieu Ladevèze, La Dernière Heure, les sports, et Martial Dumont, journaliste, L'Avenir. Le VDAB, c'est donc le Forum Flamand, n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Et un monsieur flamand qui a 56 ans, qui s'appelle Bruno Vormeulen, a donc tiré la sonnette d'alarme. Il dit « Je comprends pas, je reçois plus rien ». Et on lui dit « Bah c'est normal, monsieur, vous êtes au-dessus de 55, on n'envoie pas automatiquement les mails, les SMS avec des offres d'emploi ». Ça a du sens, Martial ? On va quand même pas les engager. Ben, à partir de visiblement, c'est un accord social qui a été établi il y a quelques années. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'étonne après 8 ou 9 ans comme ça que ce truc existe. Bon, ben voilà, ils l'ont décidé comme ça. Alors c'est-à-dire qu'il y a plus de 55 ans que ça arrangeait bien de rien recevoir. Oui, tout à fait. Mais alors, effectivement, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette politique, c'est que aujourd'hui. De plus en plus, le gouvernement veut laisser les gens au travail plus tard. Et donc, on veut même, je veux dire, au niveau des personnes âgées, on veut les réinsérer. Il y a quand même des programmes qui sont spécifiques, justement, en Wallonie, c'est le cas, pour les plus de 55, pour les jeunes aussi, mais pour les personnes plus âgées aussi. Donc, à un moment donné, on dit on veut réinsérer ces personnes-là, et de l'autre côté, on dit bah non, on ne leur envoie plus rien. Donc il y a une espèce de choc là que je ne comprends pas bien. Je vous réexplique alors l'accord social de 2008. Mathieu, vous me direz s'il est bon. Donc on se dit que on va envoyer des offres d'emploi qui matchent à 80% avec le profil du demandeur d'emploi. Mais les syndicats ont dit pour les seniors, ça doit être beaucoup plus qualitatif que ça. Quand on leur envoie une offre, il faut qu'elle corresponde à 100% à ce qu'ils sont. C'est bien d'avoir été aussi sélectif ? Je ne sais pas si c'est bien. En tout cas, ce travail de sélection, de sélectivité, je trouve qu'il est louable parce que moi, j'ai un ami qui cherche un travail pour l'instant. Il est un peu inscrit partout. Il reçoit mais des tonnes et des tonnes d'offres d'emploi qui ne correspondent absolument pas à ce qu'il veut faire ou ce qu'il peut faire ou ce qu'il pourrait faire. Donc en gros, il perd son temps à tout lire. Donc c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, donc c'est une perte d'argent des deux côtés. Donc au final, je trouve que l'idée est bonne. Après, moi, ce qui me choque surtout dans cette histoire, c'est ce qu'a dit l'interlocuteur du VDAB. De toute façon, les plus de 55, on n'en cherche plus, laissez tomber monsieur. Ah bah oui, c'est un fonctionnaire un peu trop ou pas assez zélé, j'en sais rien. Mais moi, c'est surtout révélateur du fait que à partir de 55 ans, on est à mon avis à moitié cuit pour le marché du travail. Enfin, c'est très très compliqué. D'où le devoir d'exigence dans les accords syndicaux, c'est-à-dire à quoi ça sert de mettre une annonce qui correspond à peu près à 80% si on est sûr qu'à plus de 55 ans, de toute façon ça ne marchera pas, donc il y a quelque part une vraie logique là-dedans. Est-ce qu'on peut être franc dans ce domaine ? Est-ce qu'on peut être franc, Martial, et dire vous avez plus de 55 ans, écoutez, perdons pas notre temps, le gouvernement a beau dire perdons pas notre temps, on vous prendra pas. Est-ce qu'on peut être franc ? Ah mais moi j'ai pas de souci avec ça. La franchise ne vous gêne pas. À partir du moment où on dit écoutez vous avez plus de 55 ans, ça va vraiment être super compliqué, cherchez de votre côté, mais on va pas passer son temps comme ça à vous inonder d'annonces. Ok, alors on prend acte, mais il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On peut pas avoir un forum ou un VDAB qui dit voilà. C'est régionalisé, mon bon monsieur. Oui, je sais bien. C'est régionalisé, mais on vit quand même dans un pays où il doit y avoir un lien entre les régions et le fédéral. Donc on ne peut pas avoir d'un côté des gens qui disent écoutez laissez tomber et de l'autre faire prendre des risques aux personnes de plus de 55 ans parce que il risque d'y avoir quand même malgré tout des sanctions et le fédéral veut que ces personnes soient réinsérées. Alors, on vit dans un pays parfois surréaliste où c'est une preuve de plus que le fédéralisme parfois ne fonctionne pas parce qu'on dit d'un côté ce qu'on ne veut pas de l'autre et vice-versa. Quoi. On demande un avis à oui. Roger est en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes demandeur d'emploi. Vous avez quel âge, Roger ? J'ai 59 ans. 59 ans. Eh bien, le VDAB, qui est le Forum Flamand, n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Est-ce qu'il a raison, sachant qu'on les engagera quand même pas ? Est-ce qu'on a raison de ne pas envoyer à des plus de 55, Roger ? Je ne sais pas si on a raison ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas discriminatoire par rapport à la Wallonie, parce que c'est déjà le cas chez nous ainsi. J'ai malheureusement perdu mon emploi à 54 ans. Et à 55 ans, le Forum m'a convoqué pour me dire qu'il clôturait définitivement mon dossier, que je devrais chercher mon emploi moi-même. Et vous avez protesté ? Vous n'avez pas dit « mais envoyez-moi des trucs, vous êtes là pour ça », vous n'avez pas protesté ? Mais on m'a tout simplement répondu « écoutez monsieur, vu votre âge, ça ne va déjà pas être facile, et en plus de ça, il y a des jeunes à mettre sur le, sur le chemin du travail, donc. Et puis le dumping social n'a rien arrangé les choses. Et voilà, aujourd'hui à 59 ans, je me retrouve encore toujours sur la touche. Et vous cherchez vous-même ou vous ne cherchez pas vous-même ? Bien sûr, je cherche moi-même. Mais bon, quand vous vous présentez chez un employeur, que vous ne bénéficiez déjà pas de plan social, c'est déjà tout un truc. Et puis alors, on vous dit, même si vous avez un bagage derrière vous, on vous dit, oui, mais vu votre âge, est-ce que vous aurez encore les capacités ? Vous cherchez dans quel secteur, Roger ? Et voilà, moi j'ai travaillé, je vais le dire, en montage soudure. Maintenant, les employeurs, si vous devez monter sur les échelles, les échafaudages et tout ça, ils sont extrêmement méfiants. Roger, juste un avis sur le principe général en Flandre. Donc on a dit à tous les gens, on envoie des offres d'emploi qui correspondent plus ou moins à 80% à ce dont ils ont besoin. Mais pour les seniors, pour les gars de votre âge, il faut que l'offre corresponde à 100% à ce que vous êtes. C'est très sélectif. Est-ce que c'est non, trop sélectif ? Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est trop sélectif, c'est trop sélectif parce que l'on pourrait trouver, je vais dire, pour mon cas par exemple, on pourrait trouver un travail au sol en tant que soudeur par exemple. Mais seulement le marché est tellement bouché que... Et on ne vous les envoie pas. Je retiens qu'à 55 ans, le forum vous a dit « je clôture votre dossier, monsieur ». On ira peut-être plus loin dans cette conversation tout à l'heure, Roger. Alors on termine autour de la table, votre position. Mathieu, avec les plus de 55, peu importe, on les bombarde de toutes les annonces, on les bombarde, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes un adepte du « on ne sait jamais » ? Non, je pense que ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Mais on ne sait jamais. Non, je pense que ce monsieur, bon, il a un secteur qui est peut-être très concurrentiel. Je pense que ce n'est pas en attendant les offres d'emploi du VDAB ou du Forum qu'on va retrouver un job. Il faut être super proactif, il faut se battre, c'est très compliqué. Plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué. Ce que je constate, c'est aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, c'est que la priorité, elle est donnée sur les jeunes et pas sur les seniors. Alors qu'on va nous dire de travailler de plus en plus longtemps. Les nouveaux plans sont quand même un peu plus ciblés sur les plus de 55 ans aussi, hein. Oui, quand même, en Wallonie. Cas, lui, ce qu'il dit, c'est, vous aimez, c'est Martial, vous, la théorie du « on ne sait jamais », bombardons les seniors d'annonces, on ne sait jamais ? Bombarder, certainement pas. Il faut effectivement avoir des trucs plus... Des annonces et des propositions plus ciblées. Maintenant, les 100%, je trouve que c'est particulièrement jésuite de la part des syndicats, parce que ça revient à dire foutez-leur la paix, on ne leur envoie plus rien. Parce que 100%, on sait très bien qu'un profil ne matche jamais à 100%. Ah, c'est sans doute ça le but de cet accord social de 2008. Hein. Le VDAB, le Forum flamand, n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Est-ce qu'il a raison ? On ne les engagera quand même pas. Dans un instant, juste après la pause, le troisième débat sur la table, la police qui conseille aux seniors a un chien pour éviter les cambriolages. Est-ce que ce conseil est utile ? 10h45, la question qui dérange. Caterpillar Belgium a-t-il été couillonné ? Il n'est pas propriétaire de ce qu'il fabrique, il n'a pas les brevets de ses machines, il ne gère pas les commandes. Non, en fait, il dépend d'une filiale Caterpillar qui est basée en Suisse. C'est là qu'on donne les ordres. Caterpillar Belgium n'a rien. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi ? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier ? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Madame a fait son choix. Un croque-monsieur, s'il vous plaît. Splendide. Nous sommes donc sur une croustade boulangère, espuma de jambon ibérique et croquant de comté affiné. Ah, ok. Vous avez du ketchup ? Puis-je suggérer à madame notre splendide chutney de tomates toscanes ? Très bien. J'ai même envie de dire splendide. C'est le moment d'upgrader votre vie chez Nirligno Car en profitant d'une splendide réduction de 2 500 € sur une sélection de Mercedes classe C berline d'occasion récente. Offre limitée. Voyez vite sur nnc.be. Nirligno Car. Bye Mercedes-Benz. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape liégeoise comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, les milliers de beaux héros escortant Cathy Melaine dans sa cité ardente et le concert Debout Citoyen de l'Opéra Royal de Liège avec la participation exceptionnelle de Suarez et Alison Zerouf. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Au fond d'une armoire, toute seule dans le noir, je me sens seule, abandonnée, après tant d'années. Moi moi la vieille chaussure, je mérite vraiment autre chose. Me laissez pas là, offrez-moi une bonne cause. Hey, hey, I will survive. Emmenez-moi chez Brentano et offrez-moi une nouvelle vie. Donnez une seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec Mathieu, la dernière heure, avec Martial, l'avenir, vous bien sûr, et nous verrons quelle conversation s'impose. À la fin du mois d'octobre, le 28 en l'occurrence, comme chaque année, le SPF intérieur et la police lancent une grande campagne de prévention pour le cambriolage. Et qui est très ciblé cette année? Ce sont les seniors. Ce conseil de la police, et vous nous direz s'il est utile, prenez un chien les seniors, les retraités, adoptez un chien, ça va freiner les cambrioleurs. Est-ce que ce conseil est utile ou il est un peu naïf, voire désuet? Mathieu. Non, je pense qu'il est très utile. Rien ne vaut une bonne oie bien oriente, mais bon, les oies, ça peut vous poser des problèmes de voisinage. Non, c'est très utile. Après, un chien, il faut savoir s'en occuper et pouvoir s'en occuper. Parce que ah, ça, c'est le dommage collatéral de la sécurisation des maisons. Un chien, c'est boulot, l'animal. Voilà. Mais bon, je pense qu'en effet, quand on met un chien méchant sur une façade de maison ou sur une grille, et qu'il y a vraiment un chien qui soit méchant ou pas à l'intérieur ou qu'on l'entend, ça dissuade forcément le cambrioleur, dont l'objectif est de passer le plus discrètement possible, de ne pas se faire repérer et de partir le plus vite possible avec un max d'argent. Est-ce que ce conseil, Martial, est assez fin? Parce qu'il y a chien et chien en matière de protection de lieux et de sécurité. Je me demande si un poisson rouge n'est pas plus efficace, en fait. Ah ben c'est loi pour Mathieu et le poisson rouge pour vous. Non, c'est un peu naïf comme conseil. Écoutez... On sait très bien qu'un chien, de toute façon, ça fait du boucan et ça dissuade. Ça, on l'a toujours dit. Enfin, je veux dire, ils n'ont rien inventé. On sait qu'un cambrioleur, quand il vient et qu'il voit qu'il y a un chien, que ce soit un petit, un gros, peu importe, bah, ça dissuade parce qu'au moins le chien potentiellement risque de faire du bruit. C'est pas une certitude, risque potentiellement de faire du bruit. C'est pas, oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, moi, je connais des gens qui ont un chien. Vous rentrez dans la maison à n'importe quel moment, le chien, il fait la fête, il est tout content de voir des gens qui rentrent, il aboie pas et voilà. Mais maintenant, la présence dissuade parce que le cambrioleur ne sait jamais quel genre de chien c'est. Par essence. Et donc, bah oui, ça peut dissuader. Mais enfin, je veux dire, c'est une espèce de quelque part, de porte enfoncée, comme ça, et ouverte à la base. C'est le premier conseil que vous auriez donné, vous, Mathieu. Vous auriez d'abord parlé de châssis, de sécurité, de porte, de serrure. Est-ce que le chien est le premier conseil que vous auriez donné? Je ne sais pas si c'est le premier, mais ça me paraît être, contrairement à ce que dit Martial, un conseil assez intelligent, parce que ça ajoute sur beaucoup de tableaux. Ça peut rassurer son maître. Ça apporte de la compagnie, ça donne un sentiment de sécurité et ça apporte de la sécurité. Et c'est en effet beaucoup moins cher, je pense, que de faire un système d'alarme complet pour sa maison ou de refaire ses châssis. Au final, ça n'a que des avantages. Après, il faut choisir son chien à bon escient. Il faut choisir le bon chien en fonction de ses capacités. Yorkshire, ça marche? C'est bruyant, Yorkshire, donc peut-être que ça marche, oui, pourquoi pas. Le but du jeu, c'est pas de mordre le cambrioleur, c'est de le faire fuir. Après, on est tranquille. Demandons un avis à Perway. Linda est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. La police conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Ce conseil est-il utile? Est-ce qu'un chien, ça empêche les vols? Avez-vous un exemple? Ben oui, j'ai un exemple. Bon, il y a quelques années, je possède un dog allemand. Bon, ce sont des chiens très placides, très calmes, qui ne bougent pas. J'étais partie chez le médecin à 1h30 de l'après-midi. Ils sont passés par le jardin. Ils ont fracturé ma porte-fenêtre. Bien sûr, on dit que les voleurs, quand ils voient un chien sale et dissuade, moi, ils ont vu ma dog allemand de 65 kilos derrière la porte-fenêtre. Ils sont quand même rentrés. Et là, elle s'est vengée et elle a attaqué sec. Il y avait du sang partout dans la maison. J'ai appelé la police quand je suis rentrée. Donc il faut un chien dangereux. Il faut un chien dangereux alors, Linda. Faut un qui attaque sec. Non, ce n'est pas un chien dangereux. Justement, les dogs allemands, puisque mon mari est vétérinaire à la retraite, ce sont des chiens placides, calmes, mais ils protègent vraiment leur environnement. Sauf qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu, mais ils cassent quand même le carreau. Alors il a servi à rien. Ils l'ont vu, ils cassent le carreau. Ah ben oui, donc ça veut dire que les voleurs, ce moment-là, ils avaient un coup sur la cafetière. Ils sont rentrés, et là, ma chienne, elle s'est ruée, mais elle a fait vraiment un carnage Pas possible. Hein. Un carnage, pas possible. Elle a attaqué sec. Je note alors ce récit d'intervention, Linda, du dog allemand. Et je débriefe très rapidement autour de la table. Si les voleurs voient le chien, mais qu'il rentre quand même, ça sert à quoi, Mathieu ? Bah, ils disent qu'il va se bouffer, quoi. Ah, après, donc c'est la deuxième étape. Donc, oui. même question martiale. On voit le chien, mais on y va quand même. Mm-hmm. Ça sert à quoi, alors ? Mon châssis est cassé. Oui, effectivement, mais enfin, il faut quand même bien dire que tous les voleurs, forcément, quand ils voient un chien, ne risquent pas forcément de rentrer. C'est vrai que moi, si j'étais voleur et que je voyais un chien mutant, comme on voit à l'écran comme ça, avec des grandes dents, j'y réfléchirais deux fois avant d'entrer quand même. Ah ben, si vous nous regardez sur la une télé, il y a un petit chien qui a l'air bien dangereux. Ça fait partie des suggestions de races à utiliser pour empêcher les cambriolages. Martial Dumont, Mathieu Ladevez, bonne journée, messieurs. Bonne journée. Merci, au revoir. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063, 50 centimes par message. Personne ne comprend la stratégie de Salah Abdeslam. Hier, il n'a toujours pas parlé au juge français. Pourquoi ? Il se tait. Le VDAB, qui est le forum flamand, n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Est-ce qu'il a raison ? On les engagera quand même pas. Et puis la police conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Ce conseil est-il utile ? Est-ce qu'un chien, ça empêche les vols ? Point d'interrogation. Trois débats au 070-233-466 et par SMS au 3063. Nous sommes à Dilbeek. Jacqueline est en ligne. Bonjour. Bonjour. Hier, Salah Abdeslam devant les juges à Paris et il parle toujours pas. Pourquoi il se tait ? Se tait-il ? Il se tait. Mais se tait-il ? Il se tait. Est-ce vrai ? Il se tait. Est-ce vrai ? En êtes-vous certain qu'il se tait ? Ah bah attendez, on va faire avec les informations qui sont communiquées. Si on remet tout en doute, il n'y a jamais de débat. Les deux avocats, Sven Marie et son avocat français, ont très clairement dit hier, c'est le silence. Et confirmation auprès des autorités françaises que c'est le silence. Pourquoi vous avez un doute ? Disent-ils la vérité, ce n'est pas la première fois que l'État français fait de la désinformation. Mais vous me dites quoi ? Qu'il est devenu informateur et qu'on nous manipule ? On nous manipule peut-être à nous, mais on le manipule peut-être à lui. À mon avis, il doit y avoir une protection. Ne fût-ce que pour protéger sa famille, afin qu'il n'y ait aucune rébellion de la part d'autres extrémistes. Mais est-on certain qu'il ne dit rien ? Est-ce qu'il aurait intérêt, alors essayons les hypothèses, est-ce qu'il aurait intérêt à devenir informateur de la police ? Je vous livre plein de trucs, mais officiellement, on dit que c'est le silence. Quel serait son intérêt ? Mais quel a été son intérêt de ne pas aller jusqu'au bout lors des attentats à Paris ? Vous, vous avez envie qu'il parle pour qu'il dise tout ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il n'a pas fait ça ? Est-ce que vous, vous voulez l'entendre parler ? Ah oui, non, moi j'ai franchement envie de l'entendre parler. Franchement. Vous voulez savoir quoi ? Mais le pourquoi, surtout, le pourquoi de cette violence, de cette haine. Parce que est-ce que vous vous rendez compte que depuis le Paris, mais ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Tout est sujet à pouvoir se battre, entre guillemets. Jacqueline, un avis. En supposant qu'on nous dise la vérité, et en supposant que vraiment il ne parle pas, quelle est la stratégie ou quel est l'intérêt ? Parce qu'en ne parlant pas, il se présente comme l'organisateur, alors qu'en parlant, il pourrait se présenter comme une petite main. Quel est l'intérêt de ne pas parler s'il ne parle pas ? Moi, je ne le vois pas en tant qu'organisateur, de par le fait qu'il n'ait pas été au bout de ses actes à Paris. Ceci expliquera peut-être cela, alors. Et la ceinture explosive, effectivement, il l'a, mais il ne l'a fait pas sauter. Jacqueline, nous avons un doute sur le silence. On nous manipulerait. RTBF Mobile Info, maintenant, Stéphane. On va encore sur le 19 Valenciennes-Mons, à hauteur de Carnion. La chaussée est dégagée depuis tout à l'heure, mais il y a encore 6 km de file et 25 minutes de retard en direction de Mons, avec des répercussions sur le 42 qui vient de tourner à partir de Pomerol. Par ailleurs, soyez prudents si vous passez par là, puisqu'un chantier mobile est en cours à hauteur de Saint-Guilain et la bande d'arrêt d'urgence est occupée par des hommes qui travaillent. Donc, ralentissez à l'approche de ce chantier mobile. Et puis, le 313, l'accident est terminé entre Anvers et Liège à hauteur de Lumen. La chaussée est dégagée, mais il y a encore 11 km de file et 20 minutes de retard en direction de Liège. Sur le 40, Bruxelles-Aix-la-Chapelle, cette fois à hauteur de Pousset, un accident occupe toujours cette autoroute à hauteur de Pousset, donc, et le passage est difficile. 40 minutes supplémentaires sont nécessaires en direction d'Aix-la-Chapelle. Et puis sur le 411 qui vient de Namur pour rejoindre Bruxelles, léger ralentissement à partir d'Overijse, très léger ralentissement sur le 40 qui vient de Liège, toujours à partir d'Everberg. Sur le Ring, ça se passe bien, vous perdez 10 minutes en circulation intérieure, principalement entre Grand-Bigard et Zelic, et entre Strombeek et Grimbergen en direction de Zaventem. Et puis à Bruxelles, vous êtes ralenti dans le tunnel Porte de Halle au tunnel Louise, ainsi que dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique.

une chose. Je trouve que prendre un animal vivant et jouer sur des probabilités, jouer encore une fois avec les animaux, je trouve ça un peu triste. Déjà, quand on voit que les enfants, pour faire plaisir que les parents, pour faire plaisir à leurs enfants, achètent des chiens et puis un an après, ils sont à la SPA. Attendez, vous avez entendu Linda, vous avez entendu Linda, son chien a vu les voleurs, il a attaqué sec, c'était un carnage, a-t-elle dit, il y avait du sang. Oui, il y avait du sang, vous avez des exceptions qui confirment la règle. Ah bah, c'était Linda de Perouet qui a dit, moi j'étais allé chez le médecin, les méchants arrivent et mon dog allemand, d'abord calme, a attaqué sec, carnage. Jean-François, vous n'aimez pas cette partie de jeu sur la probabilité. Allons à Evert maintenant. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez quel âge ? J'ai 60 ans. Vous avez 60 ans. Eh bien, le VDAB, le Forum Flamand, n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55. Et je vous demande s'il a raison. De toute façon, on ne les engagera quand même pas. Ben, je trouve cela tout simplement scandaleux. Parce qu'on nous force, une fois licenciés, on nous force à prouver via le Actiris qu'on a cherché de l'emploi. Je dois vous dire que depuis que j'ai été licencié, c'est-à-dire le 15 mars, je me suis directement inscrit sur le site d'Actiris. Et jusqu'à ce jour, j'ai reçu royalement deux offres d'emploi. Et elles vous correspondaient ou pas ? Pas du tout, mais pas du tout. C'était quoi ? Donc vous êtes de quel secteur et qu'est-ce qu'on vous a proposé ? J'étais moi-même recruteur, donc j'étais actif dans le recrutement de cadres moyens et d'employés. Donc je faisais également du recrutement et de la sélection de candidats. Et on m'a proposé un poste de commercial, d'assistant commercial junior. Et l'autre proposition ? Là, je m'en souviens plus, mais ça ne correspondait pas du tout à mes capacités. Un avis, Jean-Pierre. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? En 2008, les syndicats signent cet accord qui dit à tout le monde, on envoie une offre d'emploi qui correspond à 80% au profil, mais pour les plus de 55, il faut que ça matche à 100%. Est-ce que ça, c'est pas un peu trop strict comme critère ? Ben, tout à fait. Mais je suis certain qu'il y a des offres d'emploi qui correspondent à mon profil. Mais ce que je voudrais ajouter, et c'est ça qui est quand même assez perfide, je trouve, c'est que depuis le 1er janvier 2016, il y a donc une nouvelle loi qui est entrée en vigueur et qui oblige, il n'y a pas à discuter, qui oblige l'employé licencié à se remettre en outplacement, comme on dit, donc en reclassement. Et pour cela, eh bien, le CEFORA, parce que c'est bien le CEFORA, donc un organisme parastatal, ponctionne carrément 3 000 € de votre indemnité. À ce stade, Jean-Pierre, je fais une parenthèse, c'est qu'évidemment, dans ce pays régionalisé, chacun a son système. Et donc, il y a l'explication à la Wallonne, l'explication à la Actiris et l'explication à la VDAB. C'est dans ce cadre-ci que nous sommes en Flandre. Un homme de 56 ans a tiré la sonnette d'alarme en disant « c'est pas normal, je reçois plus rien ». Et vous, à Bruxelles, vous en avez eu deux qui ne correspondaient pas. On verra si ça peut devenir notre conversation de deuxième partie. Dans l'immédiat, on va marquer une nouvelle pause et vous nous direz pourquoi Salah Abdeslam se tait. Parce que même ses avocats ne comprennent pas la stratégie. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix ? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre ! Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez de... Non, tu l'as pas coupé. Ah non ? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche. Non, ça marche pas. Mais si. Non. Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Win for Life, c'est 2 000 € par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Vivacité et la 3 présente un dîner d'adieu. Une satire drôle et décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales. Un dîner d'adieu, un engrenage infernal et hilarant. Au Théâtre des Galeries, du 14 septembre au 9 octobre. 02 512 0407 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond, enfin, c'était chouette, quoi. Et puis, ça sentait le bon, le neuf. Et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Oui, mais ça, c'était avant. Hein. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant. Avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. Ces 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, la police conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Ce conseil est-il utile? Est-ce qu'un chien, ça empêche les vols à ce propos? Et à ce propos, Jessica de Ytre, pour elle, oui, un chien, ça empêche les vols, mais pour qu'il empêche les vols, il faut l'avoir dressé correctement. Jessica, un berger allemand, elle est allée pendant un an, deux fois par semaine au dressage, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un bon gardien, mais Jessica doute que les personnes âgées soient capables d'autant d'efforts et puissent donner l'attention que ce chien demande. C'est vous qui le dites, Rick Sansar. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Hier, Salah Abdeslam est devant les juges français et encore une fois, il ne parle pas. Personne ne comprend sa stratégie, pas même ses avocats. Je vous demande pourquoi il se tait. Il ne parlera pas parce qu'il y a des règlements de compte qui se passent dans les prisons. Et s'il parle, il va avoir des règlements de compte, on va le retrouver mort. Pendu, on va le suicider dans sa prison. Oui, mais ici, attendez, il est à l'isolement avec des caméras. Donc, celui qui va aller le suicider, il va être filmé de partout, hein. Eh bien, dès qu'il va parler, on va le mettre dans des autres cellules avec des autres détenus, et il y aura des règlements de compte. Et on va croire qu'il s'est suicidé, et en fait, on l'a assassiné dans sa prison. Mais alors, et pourquoi? Parce qu'il est pendu dans sa cellule. C'est lui qui a dit en quittant la Belgique, je parlerai, je collaborerai, je parlerai. C'est lui qui a dit, je parlerai. Pourquoi tout d'un coup, il change d'avis? Il ne se doutait pas avant qu'il y aurait des représailles? Parce qu'il y a certainement eu des messages codés, ou je ne sais pas moi, mais il y a eu certainement, par l'intermédiaire de son avocat, on lui avait conseillé de surtout pas parler. Ça vous est égal qu'il se taise ? Si vous avez vu le film qui est passé sur l'RTBF, la série Engrenage, vous avez tout compris ce qui se passe dans les milieux carcérales. Hein. Alain, ça vous embête qu'il se taise ou pas ? Moi, ça m'embête pas, mais je vous dis qu'il y aura beaucoup de têtes qui vont tomber. Hein. Donc vous voulez pas l'entendre parler ? Ça vous intéresse pas de savoir si c'est un gros poisson, un petit poisson ? C'est un poisson parmi d'autres, mais parmi un maillon de la chaîne. Oui, ben ça, on n'arrive pas à le savoir, quel type de poisson. Même ses avocats ne savent pas quel type de poisson. Il se tait. Alain, vous êtes à Rick Sansar. Allons à Bleuny maintenant. Chantal, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Le Forum flamand, le VDAB, n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. On les engagera quand même pas. Est-ce qu'on a raison de ne pas envoyer des offres d'emploi à des gens de cet âge-là? On a raison, on a tout à fait raison. On n'engage pas. On n'engage pas du tout et les offres d'emploi que je reçois, j'en ai reçu deux depuis 10 mois, ça fait 10 mois que je suis au chômage. J'ai reçu deux offres et toutes les offres n'ont aucune réponse. Vous avez quel âge ? Et les agences intérimaires dans lesquelles je suis inscrite me le disent franchement. Vous avez quel âge ? Il n'y a plus de travail pour vous et on ne vous engagera pas. Vous avez quel âge, Chantal ? Pardon ? Vous avez quel âge ? 59. Mais donc si on vous envoie rien, qu'est-ce qu'on fait? On vous laisse là comme ça et on attend? Moi j'attends pas, je suis en train de chercher, je cherche activement, j'ai des candidatures spontanées, j'ai tout un dossier, j'ai toute l'affaire devant moi. J'ai même reçu une lettre du Forum, le Forum, en tant que contrôle, c'est-à-dire que maintenant on va être contrôlé pour voir si on cherche activement du travail. Ah ben c'est le cas depuis un petit temps déjà effectivement. Mais là, en Flandre, il y a cet accord qui permet donc aux plus de 55 d'être un peu relax, on se comprend. On en reparlera peut-être plus longuement après les infos dans la deuxième partie. À tout à l'heure. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Sévère. Eh oh, sévère. Quoi ? Sévère, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune ? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat ! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival du vin. À l'achat de 6 bouteilles identiques, recevez un magnum gratuit du même vin parmi une sélection de 11 vins. Profitez-en jusqu'au 20 septembre inclus. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Un problème, Camille ? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Viva, 10h. Flash, Lionel de Neubourg, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La principale suspecte arrêtée hier soir en France avait prêté allégeance au groupe terroriste État islamique. C'est ce qu'affirme une source proche de l'enquête à l'agence de presse AFP. La jeune femme de 19 ans est la fille du propriétaire d'une Peugeot retrouvée dimanche matin dans le centre de Paris, voiture remplie de bonbonnes de gaz. Hier soir, cette jeune fille et deux autres femmes ont donc été interpellées au sud de Paris. Elles étaient sur le point de commettre des actions violentes et imminentes. C'est ce qu'affirmait hier soir le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Visiblement, la gare de Lyon à Paris aurait pu être une cible. Chez nous, un conseil d'entreprise extraordinaire est en cours chez Carwal. C'est l'un des sous-traitants de Caterpillar. Carwal, installé à Sombreffe, emploie plus de 200 travailleurs. L'entreprise qui fournit des cabines pour les engins de chantier travaille quasi exclusivement pour Caterpillar. C'est l'avenir même de la société qui est en jeu. Les passagers d'un téléphérique en France ont pu regagner la terre ferme ce matin. Ils étaient bloqués depuis hier après-midi dans les airs en plein milieu des Alpes. Le téléphérique a été réparé vers 8h ce matin et remis en route. Les quelques 50 personnes ont donc pu regagner la terre ferme sans passer par l'hélicoptère. C'est l'événement sportif du jour, le mémorial Ivo Van Damme, 40e édition ce soir. Pas moins de 40 médaillés olympiques des Jeux de Rio seront présents au Stade Roi-Baudouin. Ce sera à suivre en direct, en télé, sur le site rtbf.be et sur Vivacité. La reprise du championnat de football ce soir après la trêve des Diables Rouges. Le club de Bruges ouvre la 6e journée de Pro League. Bruges qui se déplacera à Waasland-Beveren. En tennis, la finale dames de l'US Open est connue. Elle opposera Angélique Kerber à Carolina Pliskova. La météo, ciel bleu partout ce matin, à part l'un ou l'autre nuage égaré. On perd quelques degrés par rapport à hier, mais ça reste bon tout de même, 21 degrés, avec des pointes jusqu'à 25 localement. Le point RTBF Mobile Info, Stéphane Piedbeuf. Et c'est toujours très compliqué sur la E19 entre Valenciennes et Mons. Et oui, un accident s'est produit tout à l'heure à hauteur de Carnion. La voie est libre, mais il y a toujours 6 km de file et 25 minutes de retard en direction de la cité du Doudou. Autre accident sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle à hauteur de Pousset. Le passage est difficile. Il y a encore actuellement 3 km de file et 35 minutes supplémentaires à ajouter, donc en direction de l'Allemagne. Par contre, pour rejoindre Bruxelles, ça se passe très bien. Un léger ralentissement à partir d'Overeil sur le 411 qui vient de Namur. Sur le Ring, vous n'allez pas être en retard. Vous perdez à peine 5 minutes entre Grand Bigard et Zaventem en circulation intérieure. Et puis attention, soyez prudents, sur la 54, il y a un radar entre Nivelles et Charleroi, entre Petit-Reux et Timéon en direction de Charleroi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Stéphane, et le débat continue dans C'est vous qui le dites, dernière de la semaine avec Benjamin Maréchal. Permettez-moi de vous souhaiter un excellent week-end, Lionel. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous en prie. Voici la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, la question qui dérange est cette question. Caterpillar Belgium a-t-il été couillonné? Donc, Caterpillar Belgium n'est pas propriétaire de ce qu'il fabrique, n'est pas propriétaire des brevets de ses machines. Il est, en fait, juste un prestataire d'une filiale de Caterpillar qui est basée en Suisse. Et comme le disent certains experts dans la presse et dans Le Soir ce matin, Caterpillar Belgium, dans le fond, est au même niveau qu'un atelier textile du Bangladesh, c'est-à-dire sans aucune capacité de réaction. C'est le journal Le Soir qui s'est procuré donc ce drôle de contrat qui prouve que Caterpillar Belgium n'est maître de rien. En 2001, Caterpillar Belgium est devenue une société prestataire de services de production prestée pour le compte de Caterpillar SARL, qui est une société basée à Genève, en Suisse donc. Et c'est la société suisse qui décide de tout. Elle décide des quantités à produire, elle décide à qui elle vend la marchandise, elle détient les brevets, elle a le droit de propriété sur tout ce qui est produit. Et en clair, Gosselin n'a rien. Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, plusieurs pistes. Je vais tenter de joindre un fiscaliste qui pourrait nous expliquer comment fonctionnent ces montages fiscaux, à quoi ils servent et surtout s'ils sont légaux. On pourra aussi tenter de joindre Xavier Kounas, journaliste économique au Soir. C'est lui qui a mis la main sur ce fameux contrat passé par Caterpillar. Oui, comprenez bien, c'est donc bien un montage. Et quand les travailleurs disent « nous allons garder les machines, c'est notre trésor de guerre », eh bien, ces machines n'appartiennent pas à Caterpillar Belgium. Elles appartiennent à la société suisse. Vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Marion, standard. Et le problème pour Éric de Pontassel, c'est qu'avec cette révélation, les ouvriers ne peuvent plus bloquer la marchandise dans l'usine puisque plus rien ne leur appartient. Ils ne sont que des petits pantins et ça, ça dégoûte Éric. D'où la question qui dérange tout à l'heure. Caterpillar Belgium a-t-il été couillonné? En fait, Caterpillar Belgium est au même niveau qu'un atelier textile du Bangladesh, c'est-à-dire en bout de chaîne. Tu fabriques, mais tu ne gagnes rien. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Personne ne comprend la stratégie de Salah Abdeslam. Hier, il n'a toujours pas parlé au juge français. Pourquoi il se tait? Ensuite, le VDAB, le forum flamand qui n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Est-ce qu'il a raison? On les engagera quand même pas. Et puis la police qui conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Ce conseil est-il utile? Est-ce qu'un chien, ça empêche les vols? Marion, trois débats au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur ce conseil de la police aux retraités pour éviter les cambriolages. Adopter un chien. Ce conseil est-il utile? Les chiens empêchent-ils les vols? Ce sont les questions que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Comme chaque année, le SPF intérieur et la police lanceront donc une grande campagne de sensibilisation au cambriolage le 28 octobre prochain. La campagne s'appelle un jour sans cambriolage. Et l'accent cette année sera mis sur les personnes âgées, qu'on dit particulièrement vulnérables en matière de vol dans les maisons. La police émet une série de conseils, par exemple, recommander aux infirmiers et infirmières à domicile de bien fermer les portes. Mais il y a un conseil clé et majeur dans la campagne de promotion de cette année. La police conseille aux retraités d'adopter un chien parce que l'animal freinerait les cambrioleurs. Et comme la Belgique a connu l'an dernier 66 374 cambriolages, on se dit que le chien est peut-être le bon plan. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Écoutez, moi je trouve ça comme conseil un peu lamentable parce que prendre un chien pour un système d'alarme, c'est vraiment triste dans la mesure où... Mais c'est pas la vérité? Mais non, je trouve que des gens de 50 ans, ben j'espère quand même qu'ils peuvent se payer un système d'alarme, un bon système d'alarme, plutôt que de prendre un chien pour un système d'alarme. Je trouve ça triste, parce que si vous prenez quelqu'un qui a 60, 65 ans et qui prend un chien, c'est 15 ans. Un chien, il faut s'en occuper pendant 15 ans. Et si cette personne n'est plus là après 5, 6 ans, ben qu'est-ce qu'on fait du chien? Bon, alors, puisque vous souhaitez cette conversation, à vous de répondre donc. La police conseille aux retraités d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Ce conseil est-il utile? Un chien, est-ce que ça empêche les vols? Et au passage, si c'est oui, vous nous direz quelle race de chien et comment le chien va agir. À moins que ce conseil ne serve à rien et soit d'une naïveté totale. 070-233-466 par SMS au 3063. À vous de dire dans un instant, comme le fera Lucrezia à Leuzon-Hainaut, si un chien, ça sert énormément. C'est vous qui le dites. excusez-moi, la Peugeot 208, là, le parc assist, elle l'a ? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Ah oui. Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina. Point BE, c'est bien pensé. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Vos vieilles lampes et ampoules valent de l'argent chez la galerie. Recevez un bon de réduction de 10 euros par ampoule et de 20 euros par luminaire que vous nous rapportez. Voir conditions en magasin. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous n'auriez manqué ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Et oui, la fête continue chez AJD Caravan et Motorhome à Neupré. Vous êtes invités aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi les derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravan et Motorhome, route du Condroit à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur AJD.be. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival, les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre ici. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Le 28 octobre prochain, comme chaque année, la police et le SPF intérieur lancent la grande campagne de promotion pour éviter les cambriolages dans les maisons. Et la Belgique, même s'il y a moins eu de cambriolages en 2015, est encore confrontée au phénomène. 66 374 cambriolages dans l'année 2015. Oui, c'était moins qu'en 2014, mais quand même. D'où le conseil que la police donne aux retraités. Prenez un chien, prenez un chien. 070-233-466 par SMS au 3063. Est-ce que ce conseil est utile? Est-ce qu'un chien empêche les vols? Lezan Hainaut, Laetitia, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Avant d'expliquer ce qui vous est arrivé, donnez déjà le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'un chien empêche les vols, oui ou non? Non. Mais pourtant, quand on vient chez vous en 2009, votre dalmatien, il est là? Oui, le dalmatien est bien dans la maison, mais ça ne les a pas empêchés de rentrer. Donc, ils ont forcé deux portes pour pouvoir rentrer. Le dalmatien était dans le salon, mais ils l'ont battu avec une ceinture. Et ils ont emporté tout ce qu'ils avaient à emporter. Ils viennent à quelle heure, ce jour-là? Nous étions partis vers 18h, et quand on est rentré à 23h, c'était fait. Mais le dalmatien, il n'entend pas qu'on fric-frac à la porte ou à la fenêtre? À ce moment-là, il grogne pas? Je ne sais pas, vu qu'on n'est pas là normalement, si, parce qu'elle donne, au moindre petit bruit, elle donne. Mais bon, là, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Donc pour moi, je ne sais pas, est-ce qu'ils lui ont donné un bonbon, est-ce qu'ils lui ont donné un biscuit, j'en ai aucune idée. Comment elle s'appelle, votre dalmatien? Mookie. Donc Mookie, a priori, était votre chien de garde. Il devait aussi servir à ça. Oui, c'est ça, à la base, oui. Mais bon, un chien n'est pas un système d'alarme. Un chien est avant tout un être humain. Et puis, quand les policiers nous ont fait comprendre qu'elle s'était fait battue, on était tristes pour elle. Voilà. Laetitia Mookie a été battue à quel endroit de la maison? Vous le savez ou pas? À mon avis, dans le salon, ou alors elle a dû s'en courir dans la chambre. Parce que si elle est battue dans le salon... Ça veut dire qu'elle n'a pas été à la fenêtre quand elle a entendu un peu de bruit? Ou elle peut avoir été à la fenêtre, elle se fait droguer, elle revient dans le divan? Ah oui, ça c'est peut-être possible aussi. Peut-être quand ils sont rentrés donc par la véranda, peut-être elle est allée et oui, droguée, c'est peut-être elle est partie se coucher peut-être dans la chambre. Oui, ça c'est possible. Quelle est la taille de Mouki? C'est une chienne, donc elle fait, je sais pas moi, 70 cm de haut, enfin 60-70 cm au garrot, je veux dire. Et elle a un caractère vif ou pas? Ah oui, très vif. Très vif. Ah, c'est pour ça que je vous demande. Donc, même un chien grand, vif, ouais. Ça sert ouais. Pas? Pour moi, non. Eh ben alors, pourquoi la police donne ce conseil? À moins qu'il soit dressé. Mais à la base, je pense qu'on ne prend pas un chien pour le dresser, pour qu'il soit méchant. À la base, je pense que c'est plutôt un animal de compagnie. Ben alors, Laetitia, je vous repose la question, parce que ça fait partie des grandes lignes de la campagne de prévention de la police. Pourquoi la police ouais. donne ce conseil si vous me dites que ça ne sert pas? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Peut-être pour dissuader un peu, mais ce n'est pas ça qui les dissuade à 100%. Bon, alors je retiens que ce jour-là de 2009, on est quelque part entre 18h et 23h, et finalement, Mouki est dans le divan, bouge pas, alors qu'il y a des hommes qui viennent dans la maison. Vous êtes à Leuzan-Hainaut. Vierde maintenant. Josiane, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Même principe, vous vous situez, et puis on discute. Est-ce qu'un chien, ça empêche les vols, oui ou non? Chez moi, oui. Oui voilà. Disons que nous, un berger malinois. Donc, un jour, on est rentré, j'ai ouvert à mon chien, il a foncé chez le voisin, on était en train de fracturer sa porte avec un pied de biche, et les voleurs se sont enfuis, idem chez moi. À mon avis, on a clinché sur la porte de derrière, mon chien a donné, et quand le voleur a vu la crête de mon chien et ses dents, il s'est sauvé. Attendez, expliquez-nous, parce que vous connaissez son comportement, vous. Donc, le voleur vient et il clinche. Comment s'appelle votre berger malinois? Kazan. Kazan. Donc, le voleur oui. clinche. Kazan, il fait quoi, suppose, à ce moment-là? Je suppose qu'il a fait du bruit. Mon chien a foncé sur la porte et il a grogné, il a montré ses crocs, la crête sur le dos. Et je me suis levée et j'ai été dehors et j'ai vu le voleur qui s'enfuyait dans les champs, derrière. Mais vous l'avez dressé pour attaquer? Non, pas du tout. J'ai fait l'obéissance, point. Mais c'est un chien assez nerveux et je ne suis pas d'accord avec monsieur. Je n'ai pas pris ce chien pour en faire un système d'alarme. C'est parce que j'ai toujours eu des chiens et j'espère qu'à 63 ans, je vais encore bien vivre 10 ans. C'est Jean-François. Je ne veux pas qu'il aille à l'SPA. C'est Jean-François oui, qui a dit un chien, c'est pas un non. système d'alarme. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas pris pour ça. C'est parce que j'aime les chiens, j'en ai toujours eu. Oui, mais est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça? Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour ça? Pourquoi pas? Est-ce que le chien est malheureux parce que vous l'utilisez à monter la garde? Je ne pense pas. Si vous lui donnez de l'amour, je ne pense pas. Très honnêtement, Josiane, votre berger malinois, Kazan, il aurait été jusqu'à mordre, jusqu'à attaquer au sang? Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais je pense qu'il aurait attaqué, je pense. Vous le connaissez mieux que nous. Il est susceptible de le faire. Quand je suis là et que quelqu'un vient à la barrière, la personne n'oserait jamais entrer. Si c'est quelqu'un qui n'est pas connu, elle n'oserait pas entrer. Oui, mais alors, parce que même à un voleur, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles. Les voleurs, on ne peut pas les tuer dans le système législatif belge. Donc, est-ce que votre chien n'est pas trop dangereux? Non, je ne pense pas. Mais un voleur ne peut pas rentrer chez vous non plus. Et pourquoi mon chien ne va pas l'attaquer sur la rue. Il va l'attaquer s'il rentre chez moi. Pourquoi le dalmatien de Laetitia, il n'a pas agi, il est resté dans le divan? Mouki est resté couché. On ne connaît pas son chien, je ne sais pas. Ne sais pas pourquoi. Ça peut être lié à la race ou pas? Oui, peut-être bien, oui, peut-être. Ah, c'est un point d'interrogation. Alors, donc le point d'interrogation, je le reformule. Est-ce que la différence de comportement face au voleur entre Mouki et Kazan, c'est la race du chien ou c'est le comportement, le caractère du chien? À vous de répondre à ça au 070-233-466. On va maintenant à Vielsalm. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez bien la question et vous me dites oui ou non. Est-ce qu'un chien, c'est un système d'alarme? Ça pourrait être un système d'alarme, mais ça peut être très dangereux si c'est un système d'alarme. Vous êtes comportementaliste spécialisé dans les chiens? Oui, tout à fait. Bon alors, dites-moi, pourquoi Mouki le dalmatien restait dans le fauteuil alors qu'on était en train de clincher derrière et que chez Josiane, Kazan a agi? Parce que c'était un bon chien de famille, tout simplement, qui est équilibré et qui est dans la famille. Maintenant, je ne veux pas dire que le malinois était déséquilibré, pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire, mais un bon chien de famille qui est dans la famille ne devrait pas réagir. Vous imaginez que cette dame avec son dalmatien invite des enfants, que des enfants rentrent chez cette dame et tout d'un coup, ce dalmatien meurt. Attendez, c'est important pour la police, parce que la police a dit aux retraités, prenez un chien. Et donc vous, vous dites aux retraités, si ce chien peut attaquer des voleurs, alors il peut attaquer vos petits-enfants. Bien sûr, tout à fait, oui, tout à fait. Ce n'est pas compatible. Soit on a un chien de garde, ou soit on a un chien de famille, mais les deux, pour moi, ce n'est pas compatible. Un enfant est mordu par heure ici en Belgique, et souvent c'est le chien de la famille. Alors si les deux ne sont pas compatibles, si je ne peux pas faire d'une pierre deux coups avec mon chien et que je veux arrêter les cambrioleurs, qu'est-ce qu'il me faut comme chien? Quelqu'un que je dois dresser? Je dois le dresser à attaquer? Oui, enfin, non. Oui, pardon. Ah, oui ou non? Non. Absolument, vous m'avez dit oui. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout, excusez-moi. Non, pas du tout. C'est que votre chien, à ce moment-là, pour le dresser à attaquer, vous devez être là pour l'envoyer à l'attaque à ce moment-là. Donc, pour moi, ce n'est pas un système d'alarme. Ou alors, vous êtes face à un chien agressif et dangereux. Mais ça, c'est un truc de fou. A priori, moi, je veux que le chien, il garde la maison quand je ne suis pas là. Sinon, je l'empêche moi-même, le cambrioleur. Oui, mais ce n'est pas compatible avec une vie de famille. Pour moi, ce n'est pas compatible. Mais alors, c'est quoi trop d'accidents. Ce conseil de police, il s'adresse aux retraités. Donc, on n'est probablement pas dans des vies de famille au sens où on l'entend, papa, maman, enfant. Est-ce que le conseil de la police vaut pour des retraités, des seniors? Mais il y a des petits-enfants, donc je dirais non, mettez un système d'alarme, tout simplement, mais pas un chien comme système d'alarme. En plus de ça, si vous voulez construire à la limite un chien agressif que vous mettez dans votre maison quand vous partez, on peut encore l'empoisonner. À ce moment-là, il faudra un refus d'appât du tonnerre de Dieu pour que le chien ne prenne pas les boulettes empoisonnées. Ah ben on a un doute sur Mookie tout à l'heure à Lezan et non, hein. Laetitia ne sait pas s'il y a eu drogue ou pas drogue. En tout cas, Mookie n'a pas agi. Emmanuel, c'est important à ce stade. C'est l'un ou l'autre, mais on ne peut pas avoir un bon chien de famille et en même temps quelqu'un qui garde la maison. Eh ben, on verra dans un instant à Overay, c'est là que nous attend David, si son Doberman est du genre bon chien de famille équilibré ou s'il est du genre déséquilibré. Même si ce n'est pas ce que vous avez dit, mais quand même. C'est juste après la pub. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. 3 métèques plus un noir, pour tes parents c'est Fukushima. La famille idéale, ça n'existe pas. Raciste. Moi. Christian Clavier, Chantal Lobby dans La Comédie, Autant Couleur, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, suivi de Amour sur place ou emporté, ce lundi sur la Une. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la websérie Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. De l'expertise, du cœur et de la passion. C'est ce qu'Intermarché vous propose durant ces 3 semaines de foire au vin. Nos experts partagent avec vous une sélection de qualité et toujours au prix le plus bas. De quoi vous faire plaisir jusqu'au 25 septembre. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne. Le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Et au 070, Marion, vous parlez à beaucoup de propriétaires de chiens. Alors, question, est-ce que ces chiens ont empêché le cambriolage, oui ou non? Au standard, on m'explique que les cambrioleurs ont plus d'un tour dans leur porche pour détourner l'attention des chiens. C'est le cas chez Grégoire de Champion. Les voleurs ont drogué son Doberman en lui mettant des cachets dans un bout de viande. Ils ont ensuite pu pénétrer dans la propriété et se servir dans sa maison. Roxane de Grandlay, les voleurs ont aussi utilisé de la viande pour attirer son boxeur. Une fois qu'il était assez près, ils l'ont aspergé d'un sédatif en spray. Le chien s'est effondré. Ensuite, Sophie de Châtelet, là, les voleurs ont enfermé son bosseron dans sa cave. Et une fois enfermé dans la cave, eh bien, le chien ne sert plus à rien. Et enfin, Marine de Hébly, les cambrioleurs ont étranglé son bosseron. Marine l'a retrouvé mort au milieu de son salon. C'est vous qui le dites à Overijse. David, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Pourquoi tout le quartier a été cambriolé, sauf vous? Bah écoutez, la raison principale, je ne veux pas le dire à 100%, mais je suppose que la présence de mon chien, il doit y être pour quelque chose. Ah mais c'est quoi comme chien? Bah, c'est un Doberman femelle qui fait presque 45 kilos. 45 kilos, sa taille? Je peux vous dire qu'à 50 cm au garrot, là, vous passez votre chemin. Son nom? Shiva. Elle fait quoi, alors, Shiva, quand un méchant monsieur vient à la porte, à l'arrière ou à la fenêtre? Elle fait quoi, Shiva? Alors, je tiens à préciser une chose, parce que j'ai entendu quand même pas mal de discussions là-dessus. Il faudra savoir que les chiens, je dirais, de cette catégorie, sont partagés en catégorie chien d'attaque ou chien de défense. Et je pense pas que tant les services de l'ordre ou autres ont proposé pour les retraités d'acquérir des chiens d'attaque. Mais pour l'instant, des l'évidence, chiens... c'est vous. Hein. L'évidence, c'est pas le dalmatien, voilà. C'est pas tellement le berger malinois. Pour l'instant, vous êtes l'évidence. Hein. On est d'accord, voilà. Donc, ce qui fait qu'un chien, il faut savoir que naturellement, un chien, je dirais d'une façon naturelle, défend, je dirais, son terrain. Donc, on n'a pas besoin tellement de le dresser pour mordre, attaquer ou tuer. Naturellement, un chien défend, je dirais. Mais donc comment? D'une façon naturelle. Comment? Quand comment je viens à la fenêtre et que je casse le carreau chez vous, que fait le chien? Ah ben le chien, il fonce dessus parce que vous violez sa propriété. Tout simplement, ce qu'il y a, c'est qu'un chien doit avoir l'obéissance de son maître. Oh, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Les voleurs viennent quand vous n'êtes pas là. Ah bah oui, bah, effectivement, quand on n'est pas là, les voleurs qui viennent là, ben, ils n'ont pas à ne pas venir là, c'est tout. Mais donc le chien, il est en roue libre. Quand vous n'êtes pas là, Shiva, elle répond aux ordres de qui? Ah oui, bien sûr, mais bon, je vais dire, le cambrioleur qui décide de cambrioler, il accepte aussi, je dirais, les risques de son métier. Oui, hein, mais jusqu'où va Shiva? C'est ça la question. Jusqu'où va Shiva? Il va jusqu'où, là où soit il ne peut plus, je dirais, se défendre, ou il ne peut plus défendre, je dirais, sa maison, ou on le met hors d'usage, c'est-à-dire qu'on le tue ou qu'on le neutralise. Attendez. Shiva peut aller jusqu'à tuer le cambrioleur? Ben, je sais pas, ça s'est pas arrivé, je peux pas, je dirais, vous répondre dans une situation qui n'a pas existé. Tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'un chien dépend, je dirais, du type de dressage qu'on lui donne. C'est comme comme un couteau de cuisine, vous pouvez tuer avec, vous pouvez, je dirais, couper votre pomme en quatre quartiers. Oui, mais ne m'en voulez pas de radoter, David, mais vous êtes pas là à ce moment-là, donc plus personne n'est à la manœuvre. Donc comment se comporte ce chien? Vous ne le savez peut-être pas. Je ne le sais pas. Personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais au dressage pour Shiva, j'ai voulu travailler le mordant et le maître chien m'a vivement déconseillé. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait d'apprendre à un chien de mordre est très facile. Le travail le plus difficile, c'est de le faire lâcher. Et quand vous n'avez pas l'expérience et quand vous n'avez pas l'attitude à pouvoir le faire lâcher, il ne faut pas travailler cela. Est-ce que vous conseillez aux retraités de ce pays de prendre un Doberman femelle? Je ne conseille pas de prendre un Doberman femelle. Je ne conseille pas non plus de prendre un Chihuahua. Mais disons, le fait d'avoir... Lequel alors? Parce que la police dit prendre un chien. Je pense qu'un chien peut avoir... On peut joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que les retraités peuvent avoir, s'ils sont seuls ou qui n'ont pas beaucoup d'entourage... peuvent avoir un animal de compagnie qui peuvent les tenir compagnie, et je dirais d'une façon fidèle et agréable. Oui, mais c'est pas ça l'enjeu de la police. L'enjeu, c'est le cambriolage. On peut joindre l'utile à l'agréable et aussi d'un autre côté faire en sorte pour qu'il y ait un pouvoir dissuasif. Le nombre de chiens qui ont été drogués, qui ont été tués, d'accord. Mais le nombre de systèmes d'alarme qui ont été neutralisés aussi, il faut prendre en considération. D'autant plus que le nombre d'alarmes qui s'est enclenché, tant pour les maisons que pour les voitures, et que les gens sont passés à côté sans broncher. Et existe aussi. D'autant plus que les chiens de garde doivent rester à l'intérieur. Ça, c'est l'erreur monumentale que tout le monde fait. C'est que les chiens de garde à l'extérieur, ils ne servent à rien. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ça ne sert à rien. Ah ben j'en retiens ce conseil. Alors, on pourrait repasser chez chacun, chez Laetitia, chez Josiane, chez Emmanuel, pour demander où étaient les chiens dans les moments d'intervention. David Overijse, Doberman qui peut aller jusqu'à tuer. Enfin, on n'en sait rien, mais c'est potentiellement impossible. Gerpine nous appelle maintenant, c'est vous qui le dites. Bonjour Christine. Bonjour Benjamin, bonjour à vous tous. Vous avez quatre chiens, les prénoms s'il vous plaît? Dart, qui est le plus grand, c'est un caniche royal. et les trois autres, Mouki, Lilou et Ola, sont frères et sœurs à Dart et avec des grandeurs différentes. Donc quelle taille pour les petits alors? Quelle taille? Ça va pratiquement jusqu'au toy. Mais ils sont extrêmement dissuasifs. Ils se mettent tous les quatre sur l'appui de fenêtre et je pense que ça pourrait être uniquement dissuasif. J'ai été cambriolée et contrairement à tout ce que j'ai entendu, mes cambrioleurs ont été super sympas parce que eux, ils ont derrière eux fermé la porte pour que mes animaux ne puissent pas s'échapper par le jardin et se retrouver sur la rue. Attendez, alors je ne comprends pas. Donc tout se passe bien, les voleurs viennent, on passe un bon moment avec les oui. chiens, les chiens sont mis Absolument. À l'abri, tout va bien. Et les chiens, ils disent Absolument. Rien. Absolument. Ils disent rien, les chiens. Mais je pense que mes chiens ont aboyé très très fort. Et je pense qu'ils ont été nourris, soit avec des bonbons bourchiens ou dans quelque chose dans ce genre-là. Drogués. Parce que quand... Non. Ils ont eu, je pense, une marque d'affection de mes cambrioleurs. Et ils se sont amadoués. Je pense que mes chiens sont socialement très, très faibles extrêmement gentils. Je suis perdu, Christine, parce que le but du jeu, c'est d'avoir des chiens pour empêcher les cambrioleurs. Or, vous me dites que les cambrioleurs ont passé un bon moment canin. Absolument. C'est pas ça, le jeu. Alors, voilà. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prendre des animaux pour défendre son domicile. Je pense qu'on prend un animal par amour de l'animal et non pas pour pouvoir se défendre. Et c'est peut-être lié à votre race. C'est peut-être lié à votre race de chien. Non, je ne pense pas. J'ai toujours eu des chiens. J'en ai eu de plus gros. J'en ai eu un berger allemand. Non, je pense que c'est l'amour de l'animal. Mais si Dart, Mouki, Lilou et Ola avaient été des Doberman, vous êtes sûr que le voleur aurait passé un bon moment? Je ne sais pas comment je les aurais élevés. Je ne sais pas comment l'animal, lui, aurait pu percevoir mon éducation. Mais je ne pense pas que je les aurais amenés à faire de l'attaque ou à faire de la défense. Je les aurais sociabilisés pour qu'ils passent avec moi un bon moment et qu'ils passent un bon moment, eux, dans leur vie. Est-ce que vous pouvez aider la police à affiner donc, sa campagne de sensibilisation? Le 28 octobre prochain, la campagne s'appelle « Un jour sans » et on sait qu'il y aura ce conseil chien. Alors même si vous ne croyez pas, aider la police à affiner. Si un retraité doit prendre un chien pour éviter les cambriolages, c'est quelle race de chien? C'est très difficile à dire, parce que quand je vois mes quatre caniches dans le jardin et qu'il y a des animaux petits, type petits faucons, parce que c'est déjà arrivé, ils réattrapent cette attitude de meute, puisque ce sont quatre frères, mais je suppose que c'est la même chose pour des animaux même de races différentes. Ils ont cette attitude de meute, ils n'ont pas besoin de s'aboyer l'un l'autre, ils savent exactement où se positionner pour coincer un chat ou pour coincer un volatile qui est indésirable dans leur territoire. Mais vous avouerez que c'est assez paradoxal, ils s'organisent pour chasser le pigeon, mais le voleur y passe un bon moment et on se mange des petits bonbons ensemble. Christine, alors je retiens que ce n'est pas le caniche royal qui va empêcher les voleurs de venir. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Marion, dans les Appelantes ce matin, combien estime qu'un chien engendre trop de frais pour une personne âgée? 65% pensent que les personnes âgées ne savent financièrement pas se payer un chien. Les chiens engendrent beaucoup de frais. Il y a d'abord l'achat du chien, puis les visites chez les vétérinaires, les vaccins, les croquettes. Ce sont des dépenses sans fin et Marie-Josée de Libramont le dit. Avec 800 € de pension par mois, elle a déjà du mal à boucler les fins de mois. Elle n'a tout simplement pas le budget pour un chien. Le RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Les travaux qui vous ralentissent, Benjamin, mais très légèrement sur le 40 Aix-la-Chapelle, Bruxelles, à partir de Hermé jusqu'à Chorat. Vous perdez quelques minutes et puis c'est compliqué également sur le Ring 9 de Charleroi puisque le tunnel Yarnaud est fermé de 9h à 15h30 jusqu'au 14 septembre en venant de la Nationale 90 vers le Ring 9. Quelques ralentissements et puis sur le Ring, on perd moins de 5 minutes en circulation intérieure où vous êtes légèrement ralenti entre Maquelonne et Woluwe-Saint-Étienne vers Waterloo. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange et la question est claire. Est-ce que Caterpillar Belgium a été couillonné? On découvre que Caterpillar Belgium a signé un contrat qui en fait place l'entreprise en situation d'atelier textile du Bangladesh. Les travailleurs de Caterpillar Grossly n'ont pas la propriété des brevets, n'ont pas la propriété des machines, ne gèrent pas les commandes. Tout ça est géré par une filiale en Suisse. Gosselin couillonné, j'attends un nom après la pause. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et classe. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Peugeot Olivier. Oh yeah. Portes ouvertes chez Peugeot Olivier, c'est samedi 10 et dimanche 11 septembre, avec l'offre 50-50, 50% de remise sur toutes les options et de super conditions sur toute la gamme. Venez aussi découvrir toutes nos nouveautés. Peugeot Olivier à Waterloo et maintenant aussi à Tubize. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Waterloo, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 14 à 17 heures, à l'angle de la chaussée de Bruxelles et de la rue du Ménil. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Barbie de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Et elle concerne Caterpillar. Caterpillar Belgium a-t-il été couillonné ? C'est le journal Le Soir qui s'est procuré un drôle de contrat qui prouve que Caterpillar Belgium n'est maître de rien. En 2001, il est devenu une société prestataire de services de production prestée pour le compte de Caterpillar SARL, qui est une société basée à Genève en Suisse. Et c'est cette société suisse qui décide de tout. Elle décide des quantités à produire, elle décide de ce qui est vendu, à qui on vend, elle détient les brevets, elle a le droit de propriété sur tout ce qui est produit. Donc quand les travailleurs disent on a un petit trésor de guerre avec les machines, que nenni, tout appartient à cette filiale suisse, Gosselin n'a rien. Est-ce que Caterpillar Belgium a été couillonné ? Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous un nom ? Oui, j'ai un nom, mais d'abord j'ai tenté de joindre Thierry Afskrift, cet avocat fiscaliste. Malheureusement, il est sur la route à l'étranger, il ne pourra donc pas répondre à nos questions et nous éclairer. Mais pour lui, la logique est mise en place par la société Caterpillar SARL, dont le siège est basé en Suisse, est claire. Il la compare même au travail des couturières du Bangladesh et aux ouvrières de chez Zara. Le tissu est certes fourni par la maison mère, mais l'assemblage des pièces se fait, lui, en Thaïlande. Alors, dans notre cas de figure, celui de Caterpillar Belgium, eh bien, Caterpillar Belgium est devenu en quelque sorte le sous-traitant de Caterpillar SARL. Et pour Thierry Afskrift, l'objectif réel de cette combine, c'est de mettre de l'argent de côté, des profits et des bénéfices, les placer en Suisse, puisque le pays dispose d'un taux d'imposition très avantageux pour les entreprises. Finalement, vous me demandiez un nom, et bien ce sera celui de Xavier Kounas, journaliste économique au Soir, spécialisé dans le domaine de l'économie et de la fiscalité. Il a pu se procurer ce contrat passé par Caterpillar et il pourra en faire un décryptage avec nous. Ah bon, on a effectivement pas mal de questions pour comprendre le mécanisme. Voilà un mécanisme piège ou pas, on verra ça tout à l'heure. Si vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Marion au standard. Et le problème pour David Demptin, c'est que le gouvernement devait savoir que Caterpillar Gosselin était devenu une petite filiale prestataire de services. Ce n'est pas possible que le gouvernement ignorait que plus rien n'appartenait à Caterpillar Gosselin. Les discours qu'il répète donc depuis une semaine sont tous faux. David Demptin refuse de croire ces hypocrites. Bon, c'est la question qui dérange tout à l'heure. Hein. Caterpillar Belgium a-t-il été couillonné ? Parce qu'ils n'ont rien à Gosselin. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. Vous avez choisi une conversation sur la police qui conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Est-ce que ce conseil est utile? Est-ce qu'un chien, ça empêche vraiment les vols? Le 28 octobre prochain, début de la grande campagne de sensibilisation annuelle au cambriolage. L'opération s'appelle Un jour sans et la police s'adresse aux retraités en disant « Prenez un animal, voilà un bon conseil de prévention ». Nous allons à Hatte. Édouard, bonjour. Monsieur. Tout à l'heure, on a vu avec Christina Gerpin que le caniche royal n'était pas c'est un bon système d'alarme. Quelle est la race de votre Boris? C'est un Yorkshire qui pèse 7 kilos. Et c'est un bon chien de garde? Il défend la maison. En plus, nous faisons toujours à notre âge du camping-caravaning. Nous partons avec notre caravane en hiver. Vers mi-décembre, nous partons en Espagne. Et la plupart des gens de notre âge qui ont soit un motorhome, soit une caravane, la plupart ont un chien. Et c'est la meilleure protection que nous avons. J'oublie la partie camping, Edouard, mais votre logement, comment un petit chien de 7 kilos, comment un petit Boris de 7 kilos peut faire fuir un grand méchant voleur? Fuir, ça je ne sais pas, mais si la nuit il entend un bruit suspect, il fonce. Et si c'est par exemple, et il fait la différence entre nos enfants et les gens avec, que nous fréquentons. Bah, ils font aussi. Il connaît le genre de voiture, le bruit des moteurs, et il sait si par exemple notre fille ou notre beau-fils, et nous ne sommes pas là, vient devant la porte-fenêtre de la terrasse, il sait très bien qui c'est. Si c'est quelqu'un d'autre, ça n'ira pas. Je veux des garanties, Edouard. Edouard, je veux des garanties, parce que votre Yorkshire de 7 kilos fonce. Mais les quatre caniches de chez Christine, ils discutaient le coup et prenaient des bonbons avec le voleur. Écoutez, ce petit Yorkshire, dans sa tête, il est aussi grand qu'un autre. Hein? Et il n'a aucun complexe, il a plutôt le caractère dominant, mais il est très gentil. Hein? Mais il se vit quoi? Il se vit en berger malinois? Il se vit en Doberman? Non, ça, je ne sais pas. Mais par exemple, on se promène en rue... il est très bien. Quand je parle avec des voisins, avec des personnes que j'ai décidé de parler, il n'y a aucun problème. Mais si c'est quelqu'un qui vient chez nous vers moi et je suis dehors avec le petit chien en laisse, il sent qu'il y a une mauvaise intention. Donc je refais. Le voleur va venir. Vous me dites qu'il fonce. Il fonce et quoi? En aboyant. Oui, mais et après, il mord ou il mord pas? Ça ne s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais passé. Mais donc vous ne connaissez pas sa vraie capacité de réaction. Pardon ? Vous ne connaissez pas sa vraie capacité de réaction, alors ? Ah si, il aboie. Si c'est quelqu'un qui ne le connaît pas, ça, il va aboyer pour le quartier. Hein. Ah, c'est toute la question, c'est de savoir si après avoir aboyé, est-ce que le voleur s'en va ou le voleur continue sa terrible manœuvre? Édouard, j'entends votre confiance dans Boris, petit Yorkshire de 7 kilos qui se vit comme étant beaucoup plus grand. Mélanie, je reviens deux secondes vers vous pour un éclairage puisque vous venez d'appeler plusieurs centres d'éducation canine. Oui, je me suis renseignée auprès de plusieurs clubs canins et de centres d'éducation canine et les avis divergent. Certains ne pratiquent pas du tout ce type de dressage à la surveillance. C'est le cas du club d'éducation canine de Boncel. C'est le cas aussi du centre d'éducation canine de Hermalsoui. Là-bas, on ne fait que le dressage de chiens d'obéissance. Ce sont des chiens dressés à l'écoute. Ils réagissent aux termes assis, debout, couché. Pour Yves Carton, le président du centre, des chiens de surveillance, c'est toujours un peu risqué. Ces chiens-là répondent au mordant. Ils mordent quand ils ne connaissent pas une personne qui pénètre sur leur territoire. Et pour le président du centre d'éducation canine, dresser son chien pour qu'il aboie, c'est largement suffisant. Il agit comme une alarme. C'est un chien territorial. Il connaît les contours de son espace et il sonnera l'alarme lorsqu'une personne rentrera dans son espace. Il m'a précisé cependant que cette méthode est moins efficace avec un chihuahua. Finalement, du côté du club canin de la Corniche d'Ougré, là on dresse des chiens de surveillance. Ces chiens passent par trois étapes. D'abord la sociabilisation, ensuite la connaissance du territoire et finalement l'attaque au mordant, mais une attaque qui se fait uniquement sur les bras et pas sur les jambes. Dernière information, d'après le président du club de la Corniche, la meilleure race de chien pour ce type de surveillance, c'est le malinois. Ah, malinois, à vous de vous faire un avis, puisque certaines races ont été recalées, d'autres pas. Josiane Aviard avait un berger malinois, Kazan, qui avait agi, qui était très nerveux quand il y a voleur. Allons 070-233-466. L'impression qu'on n'a pas besoin d'un chien avec le conseil de la police. Mario n'est pas bon, un leurre suffirait. C'est bien ça, pas besoin d'avoir un vrai chien pour se défendre, il suffit de faire semblant d'en avoir un. C'est ce que Joseph de Virouinval fait, il m'explique qu'il n'a pas de chien, mais il a quand même affiché deux panneaux « Attention, chien méchant » sur sa grille d'entrée, et apparemment ça suffirait pour dissuader les voleurs, les voisins qui n'ont pas, ses voisins n'ont pas de chien, mais ils ont été cambriolés. Joseph, lui, n'a pas de chien, mais il n'a pas été cambriolé, il est persuadé que c'est dû à ses panneaux. Tatiana de Houpey, elle a aussi fabriqué un leurre pour sa grand-mère, elle a enregistré les aboiements de son propre berger allemand, et ensuite elle demande à sa grand-mère de le diffuser plusieurs fois par jour dans sa cour pour donner l'illusion qu'elle a un chien pour la protéger. Voilà. À chacun sa méthode, mais la police a dit aux retraités non, le chien, prenez-le, fonctionnez pas avec des bandes magnétiques. La queue en ligne, Claudine, bonjour. Bonjour Benjamin. À l'époque, vous aviez un Yorkshire. Est-ce que ce Yorkshire a empêché un cambrioleur de vous voler des biens? Oh que oui, oh que oui. Donc je n'étais pas retraitée à cette époque-là, j'ai jamais pris de chien, je dois le signaler comme système d'alarme. C'est vraiment par amour de l'animal. Petite parenthèse. Et je vous remercie pour votre émission. Voilà, donc j'étais partie faire des courses l'après-midi. Je reviens, tout l'immeuble, c'est un petit immeuble de 10 appartements, en branle-bas le combat. Ils avaient essayé de pénétrer chez moi, et grâce à ce petit Yorkshire, je précise, de 5 kilos, les cambrioleurs n'ont pas eu accès à l'appartement. Il a ameuté tout l'immeuble dans une rage folle. C'est le bruit ? Quel bruit ? C'était simplement aboyer ou il y avait d'autres bruits ? Qu'a fait votre chien ? C'est ce que les voisins m'ont expliqué. Il était dans une rage folle, mais une rage phénoménale, quoi. Comment il s'appelait, votre chien ? Jovi. Et vous saviez qu'il était capable d'une rage phénoménale, Jovi ? Oui, parce que j'ai un situ actuellement et c'est la même façon de réagir. Dès que quelqu'un est sur le palier, quelqu'un d'inconnu, ses chiens aboient d'une façon que le maître reconnaît. C'est vraiment préventif ou alors c'est vraiment une rage folle. Attendez, parenthèse. Votre petit Jovi, vous l'aviez dressé pour qu'il réagisse ? Vous l'aviez habitué à un comportement ou pas ? Pas du tout, pas du tout. C'était spontané. Oui, je n'ai jamais pris un chien comme pour garder. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, mais quel boulot il a fait, quoi. Avec 5 kilos, Yorkshire de 5 kilos, c'est impressionnant. Là où d'autres avaient des animaux beaucoup plus volumineux, passez-moi l'expression. Merci Claudine. On va marquer une pause et dans un instant, la question qui dérange. Est-ce que Caterpillar Belgium a été en français dans le texte couillonné ? Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce vendredi dès 20h, Westland Beveren, Club de Bruges. Ce samedi dès 18h, Eupen, Ostende et Moucron-Sulte-Waregem. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la web-série Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. En télé, sur la une, dépassement de soi. Émotion. Performance. Viva Rio, les Paralympiques. Votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange. Tous les jours après le JT, sur la une. Voir et revoir. rtbf.be/ovio. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Viva Bruxelles est là de présente, Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Ce samedi, à la veille de la dernière étape de la saison à Bruxelles, Vivacité vous replonge dans l'ambiance des showcases du beau vélo de Ravel. Marina Kay, Axel Red, Florent Motte, Bastien Becker, Suarez, Vianney, les Charlots et tous les autres. Ils ont animé votre été de la Calamine à Arlon. Ce samedi, ils seront tous réunis sur Vivacité. Vivacité en concert, spécial showcase du beau vélo de Ravel, dès 17h avec Bruno Tumers. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Ixina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Ixina.be, c'est bien pensé. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Caterpillar Belgium a-t-il été couillonné quand il a signé ce contrat qui a fait de lui une société prestataire de production? Qui avait vraiment les pleins pouvoirs et est à la manœuvre? Eh bien, c'est une filiale en Suisse. Avant d'interpeller le journaliste au soir qui a lu ce contrat, dernier éclairage au standard, Marion. Le problème pour Michel Darlon, c'est que toutes les multinationales appliquent le même business model. Michel est fiscaliste international à la retraite et il explique que toutes les fonctions à valeur ajoutée sont envoyées dans les pays à avantages fiscaux. Alors c'est le choix que la multinationale fait. Il n'y a plus rien à faire pour rattraper le coup. C'est une info à lire dans le journal Le Soir ce matin. Journaliste économique au soir en ligne avec nous, Xavier Kounas, bonjour. Bonjour. Quand Caterpillar Belgium signe ce contrat ou met en place ce système en 2001, c'est-à-dire on devient juste une société prestataire de services et c'est la filiale suisse qui décide de tout. Elle a conscience de ce qu'elle signe? Elle sait qu'elle cède tout à la Suisse et qu'elle n'est plus rien? Oui, bah, tout à fait. En réalité, c'est le principe du multinational. Les décisions sont prises aux États-Unis et les États-Unis font leur schéma de planification fiscale et gèrent un peu leur filiale comme ils l'entendent. Et en 2001, quand les États-Unis décident de réorganiser toute la structure européenne, eh bien on décide que Caterpillar Gosli, via la filiale Caterpillar Belgium, ne sera plus qu'un prestataire de services, c'est-à-dire qu'il sera payé pour assembler des machines et que tout le reste, c'est-à-dire le stock, c'est-à-dire les brevets, c'est-à-dire le pouvoir de négocier avec les sous-traitants, est logé dans une filiale suisse vers laquelle on rapatrie en fait la grande majorité des bénéfices. J'essaie de vulgariser à l'extrême pour qu'on comprenne bien. Normalement, une usine fabrique, bah, disons, des bulldozers. Elle touche le bénéfice de ces bulldozers vendus. Et dans ce cas-ci, Caterpillar Belgium ne touche pas les bénéfices du bulldozer fabriqué et vendu. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Donc on peut s'attendre à ce que quand une usine fabrique un bulldozer, par exemple, eh bien ce soit aussi cette usine qui soit chargée de le vendre, et donc que le chiffre d'affaires en fin d'année, eh bien il soit principalement constitué du prix de vente de ces engins. Quand on regarde pour Caterpillar Belgique, on se rend compte que le chiffre d'affaires ne correspond absolument pas au prix de vente des machines créées, parce qu'il est beaucoup trop faible par rapport au nombre de machines qui sont produites sur le site. Et grâce au contrat sur lequel on a pu mettre la main, eh bien on comprend en fait pourquoi ce chiffre d'affaires est beaucoup trop faible. C'est tout simplement parce que Caterpillar n'est pas maître, ne possède pas, Caterpillar Belgique ne possède pas des machines qui sont produites dans son usine. Et donc c'est la Suisse, et tout ça est très virtuel parce qu'en réalité les machines restent en Belgique, mais c'est la Suisse qui a le pouvoir de les vendre, qui a le pouvoir d'acheter les matières premières, et donc tout au long de la chaîne qui gère vraiment tout et qui rémunère uniquement Caterpillar Belgique pour le service rendu, c'est-à-dire le service d'assemblage. Donc c'est un genre de package, quoi. C'est un genre de package. Pour tout ce que vous allez produire, je te donne un sou d'autant. Tu peux produire beaucoup plus, tu n'auras pas plus. Tout à fait. Et le sou d'autant, c'est simplement, eh bien, on prend les coûts réels, on prend ce que Caterpillar Belgique a coûté et on ajoute un rendement, alors on me disait entre 5 et 7%. Donc ça veut dire qu'en fait, la société ne peut pas faire des pertes en Belgique, mais ne pourra jamais faire des bénéfices extraordinaires, vu que les Suisses arrivent à très bien vendre leurs engins, eh bien, Caterpillar Belgique ne verra pas un euro de différence dans ses comptes à lui. Dans ce contrat, il n'y a pas une petite porte ouverte à la renégociation? Si on se comporte bien, tous les ans, on peut renégocier la marge et peut-être négocier demain un rendement de 10% ou de 12%. Il n'y a pas de renégociation? Non, en tout cas, non, dans le contrat qu'on a lu, absolument pas. Et c'est même plus vicieux que ça. C'est-à-dire que le contrat prévoit que si Caterpillar Belgique arrive à réduire ses coûts, donc par rapport au budget qu'on lui a fixé initialement, il arrive à faire mieux, donc à économiser quelques milliers d'euros, eh bien l'économie n'appartient pas directement à Caterpillar Belgique, mais ils sont obligés de la partager avec la filiale suisse. Ils font moitié-moitié. Donc, ce matin, est-ce qu'on peut officiellement dire que Caterpillar Belgium, dans le fond, n'a rien? N'a pas grand-chose, à part le terrain et le bâtiment. Ça fait depuis 2001, donc 15 ans maintenant, que Caterpillar, oui, c'est ça, est vraiment un peu le pantin de sa maison mère suisse. Un fiscaliste disait, j'aime beaucoup la formule dans nos colonnes ce matin, après avoir lu le contrat, que le site de Gosli était traité comme des couturières du Bangladesh, du point de vue fiscal en tout cas. Avez-vous l'information sur le site qui nous prend la production? Donc une partie de la production va être envoyée à Grenoble, France. Est-ce que l'usine de Grenoble fonctionne sur le même système? Ah oui, pardon, attends. Non, ça donc, a priori oui, mais je n'ai pas donc ce de différents contacts que j'ai pu avoir. C'est l'organisation européenne, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour que systématiquement les bénéfices remontent en Suisse à Genève, que ce soit pour l'usine de Grenoble ou l'usine de Belgique, mais le contrat que j'ai en ma possession ne concerne que le cas belge. Xavier Kounas, en 20 secondes, c'est le temps qu'il nous reste, tranché, c'est la formule de ce matin. Est-ce que Caterpillar Belgium a été pour vous couillonné? Oui, non, ou c'est pas le bon mot? 20 secondes. Ben oui, enfin je vous laisse le choix du mot, mais dans les faits, ils se sont fait avoir, du moins la direction, mais ils n'avaient pas vraiment le choix, quoi. C'est la direction américaine qui a un moment décidé que le site belge ne servirait plus qu'à ça. Vous êtes journaliste au soir et cette info est dans vos colonnes ce matin. Merci pour l'éclairage. On va dans un instant aux enseignements. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez! À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Super. Super. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. Le garage Le Sage de Watermael-Boisfort est heureux de vous annoncer l'arrivée de la nouvelle Baleno, la citadine de chez Suzuki, qui vous fera voir du pays grâce à son nouveau moteur turbo de 1000 cm3. La nouvelle Baleno, à découvrir au garage Le Sage lors des journées portes ouvertes le week-end des 9, 10 et 11 septembre. Garage Suzuki Le Sage, chaussée de la Hulpe 225 à Watermael-Boisfort. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris? C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Vous ne rêvez pas. Vassieux Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à lattes. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieux Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Suivre un cours du samedi à la Netherlands Academy et pas dans une autre école de langue, qu'est-ce que cela apporte de plus? Anne, secrétariat. Imaginez pouvoir venir à votre cours du samedi matin et que les 6 autres jours de la semaine, vous pouvez gratuitement fréquenter notre club de conversation. Vous imaginez les progrès que vous pouvez réaliser? Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Programme du samedi, 7 jours sur 7, sur 4 mois. Info sur nedaka.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. Caterpillar Belgium qui, dans le fond, n'a rien. Tout est géré par la filiale suisse. Sur la page Facebook, Zoé Boss. Sur la page Facebook, où vous êtes 40 780 à faire le débat ce matin, dont Christian. Mais bien sûr que Cater a été couillonné. Les responsables financiers en ont eu bien le temps de se remplir les poches. Une dernière fois, sur le sacrifice des ouvriers, ces responsables sont des salauds et des lâches, nous dit Christian ce matin sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Vous avez choisi une conversation sur le conseil que donne la police aux retraités. Adopter un chien pour éviter les cambriolages, ce conseil est-il utile? Eh bien, vous aurez noté ce matin les chances très aléatoires d'être bien protégés. La famille caniche royale d'Art Mouki Liluola a passé un bon moment avec le voleur, alors qu'ils étaient quatre. Vous aurez noté également que la dissuasion n'est pas liée au poids de l'animal. Jovi le Yorkshire n'avait que 5 kilos, il a mis en fuite le méchant. Et puis l'avis d'un comportementaliste, on ne peut pas avoir un bon chien de famille et un chien d'alarme, ce n'est pas compatible. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Charles de Jalais. Charles est persuadé que les chiens sont utiles contre les cambriolages. Charles donne l'exemple de son quartier. Tout le monde a un chien, sauf une seule maison. Il y a eu un vol récemment et devinez quelle maison s'est fait voler? Eh bien, celle sans chien. Pour Charles, ce n'est pas une coïncidence. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur le chien plus efficace que l'alarme. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Laetitia de Leuze en Hainaut à 10h15. Laetitia, un dalmatien qui n'a pas su empêcher les voleurs de rentrer. Laetitia le dit, les chiens ne sont pas des alarmes. Oui, le Dalmatien est bien dans la maison, mais ça ne les a pas empêchés de rentrer. Donc, ils ont forcé deux portes pour pouvoir rentrer. Le Dalmatien était dans le salon, mais ils l'ont battu avec une ceinture. Et ils ont emporté tout ce qu'ils avaient à emporter. Un chien n'est pas un système d'alarme, à moins qu'il soit dressé. Un chien est avant tout un être humain. J'ai fait l'obéissance, point. Mais c'est un chien assez nerveux. Je n'ai pas pris ce chien pour en faire un système d'alarme. C'est parce que j'ai toujours eu des chiens. Quand je suis là et que quelqu'un vient à la barrière, la personne n'oserait jamais entrer. Si c'est quelqu'un qui n'est pas connu, elle n'oserait pas entrer. Ça pourrait être un système d'alarme, mais ça peut être très dangereux si c'est un système d'alarme. Soit on a un chien de garde, ou soit on a un chien de famille, mais les deux, pour moi, ce n'est pas compatible. Un enfant est mordu par heure ici en Belgique, et souvent c'est le chien de la famille. Naturellement, un chien défend, je dirais, son terrain. Donc on n'a pas besoin tellement de le dresser pour mordre, attaquer ou tuer. Un chien dépend, je dirais, du type de dressage qu'on lui donne. Le travail le plus difficile, c'est de le faire lâcher. Le cambrioleur qui décide de cambrioler, il accepte aussi, je dirais, les risques de son métier. Ils se mettent tous les quatre sur l'appui de fenêtre et je pense que ça pourrait être uniquement dissuasif. J'ai été cambriolée et mes cambrioleurs ont été super sympas parce qu'eux, ils ont derrière eux fermé la porte pour que mes animaux ne puissent pas s'échapper par le jardin et se retrouver sur la rue. L'histoire du cambrioleur super sympa. Si vous avez un avis sur ce conseil que donne la police aux retraités, n'hésitez pas à le laisser sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. La grande campagne de prévention est annoncée pour le 28 octobre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec d'autres mesures, peut-être plus utiles, conseillées par les policiers. Passez un excellent week-end. Voilà pour nos deux heures de dialogue.